Évidemment, le soleil est toujours là. Bien toujours sûr. Le soleil. Contrairement au dicton breton qui dit après la pluie, après la pluie. Bien sûr. Et voilà. Je vois contrairement. Ça va me faire un canular du ciel. Alors, le. C'est un truc de dingue. Ah, je sais pas. Là, je. Marie-Ange, nous l'appelons. C'est parti. Alors, c'est parti. On garde les cigales, les gars, ou pas? Comment? On garde les cigales? Tu gardes les cigales. Okay. J'aime bien. C'est cigalou. Ça sent bien. Provence. Cigale, c'est en Provence. Oui? Alors, bonjour Marie-Ange, désolé. Bonjour Marie-Ange. Bonjour, alors c'est la radio Énergie, nous sommes dans l'émission de Sébastien Coé. Enchanté. Avec Maître Gims qui est là sur le côté. Salut Marie-Ange. Bonjour. Bonjour. Eh ben, ça a l'air de lui faire super plaisir. Oui, alors, c'était pour. On a appris que c'était votre anniversaire. Je ne sais pas s'il est déjà passé ou c'est dans quelques temps. Ou... Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah, pile poil. Alors, pour vous, aujourd'hui, Marie-Ange, Maître Gims souhaitait vous chanter le bon anniversaire en compagnie de toute l'équipe de Coé. Eh bien, attention, moment magique. Je crois que c'est une bonne année. Alors, moment magique. Hein. Salut Marie-Ange, on voulait vous souhaiter un joyeux anniversaire tous ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on y va? Allez, on y va. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Tout le monde. Joyeux concours de boules à 17h. C'était pour vous Marie-Ange, c'était Maître Gims. Merci beaucoup. Je crois qu'elle capte pas du tout ce qui gros se passe. Gros bisous Marie-Ange, on nous a dit. Oui, quoi? Oui, j'ai un peu de mal, mais oui. Qu'est-ce que oui. Tu fais? Tu travailles? Oui. Tu fais quelque chose? On dérange? Non, pas du tout, non, je suis avec mes enfants. Oh bah alors. Un gros bisou aux enfants. Voilà. Eh bien sûr. N'oublions pas les enfants. Comment ils s'appellent les enfants? Les minots? Non. Comment ils s'appellent les petits? Les minots, ça s'appelle comment? Ils sont mignons les petits. Alors fais un bisou. Etam et Amy. D'accord, merci. Etam et j'ai cru que c'était les vêtements. Non, le magasin Etam ouvert du lundi au samedi avec les chaussettes à l'accueil. Un rock sur ma bédoule. Etam. Non, mais j'ai cru, bien sûr, le magasin Etam, évidemment. D'accord. À bientôt. Bon, il est temps que je t'offre mon cadeau. Ah oui, alors. Oui. Je t'offre mon cadeau. Au bout de tant d'années, justement. Vrai cadeau. Je mon cadeau. Vrai beau c'est cadeau. Pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pour mettre sur tes oreilles. C'est un casque, vas-y. Tu enlèves. Mais parce que tu vas ça bouger. Rentre pas ici. Ça, c'est non. Casque sans fil parce que tu vas me suivre. Oui, parce que le cadeau ne peut pas rentrer dans le studio. Micro sans fil. Attends, boum. Alors, le public, vous ne verrez pas le cadeau. Hein. Le rêve va passer par la radio. Je suis désolé. Et vous qui êtes chez vous à la maison. Il y aura une vidéo, il y aura des images. Il y aura une. Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Tiens, prends le micro. Voilà. Alors, nous allons donc. Je vous laisse. Hein, oui, oui, bien sûr. Continuez votre conversation sur le chemin. Alors, bah, ouais. Voilà. Eh bien, je rappelez-vous l'épisode. Donc. Alors, je te suis, moi. Non, bien, alors, et je veux pas trop longtemps à la pétanque. Laisse-moi te faire. Oh, attends, tu vas nous laisser tranquille. On t'a déjà dit, tu rentres pas en conversation. C'est que elle aime s'immiscer dans les conversations. C'est incroyable. C'est chelou, ça. Où vous l'avez alors, de temps en temps, tu vas entendre. Chut, mais ça marche quand même. Ça décroche un peu, mais ça marche. Oh, y a pas de souci. Ça me rappelle la fois où on est allé dans la cave pour allumer l'autre. À un moment donné, ça crouchouille, mais ça marche. Vous m'entendez? Oh, je sais que ça marche. Oui, dans le studio. Oui. C'est oui, la réception qui crouchouille, pas l'émission. T'inquiète pas, non, je fais ça. Crouchouille pas. J'ai un beau cadeau pour toi, Maître Gims. Tu vas charger d'émotion. Jamais on t'a offert le petit cheval cabré comme ça. Tu vois où je veux en venir? Je vois où tu veux en venir. Tu vois où je veux en venir? Attends, j'espère que c'est. Attends. Ok. Tu le vois le modèle à 4 roues? Je le vois. Tu vois le modèle à 4 roues, le cheval cabré? Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, le con. Putain, viens avec moi. Viens avec moi, tu vas chialer d'émotion, c'est mon cadeau ce soir. Les gars, on se croirait dans un film. Je t'offre cette magnifique Ferrari. Oh le con, il a. Oh le con, il a fait. Oh le con, mais tu es con, bordel. Oh, tu es con, oh connard. Oh, tu es con, oh merde. Oh, il est con, hein, coupe la caméra. Non, laisse, je veux te voir chialer. Coupe la caméra, je t'allume ta race. On avait demandé une grosse à Jean-Paul, il a dit il n'y a pas d'argent. Je te laisse couper le cordon, elle est neuve. Oh, malade, mais tu l'as fait, mais tu as dépensé une fortune, mais il fallait pas, bordel. C'est la réplique officielle. Oh, le con. Moteur électrique, ça fait 6 km/h, mec. 6 km/h. Mais qu'est-ce que tu lui as offert? Une Ferrari électrique. D'enfant, modèle 7-8 ans. On remercie le con. Eh, alors, attention, j'ai pas mis les housses sur les sièges. Allez, chargez à bloc. Et chargé à oh bloc. Le con, tu veux me faire chier. Mais là, dans l'autre sens. Bien que tu vas tuer ma réputation. Personne m'a vu chier. Mais là, dans l'autre sens. Mais là, dans l'autre bien sens. Que j'allume tout le temps, moi. Faut qu'on te mette sur la ligne de départ. Ah, vas-y. J'espère que tu peux toucher les pédales. Attends, on va mettre dans l'autre sens. Voilà, Je te rends les ciseaux, toi, sinon je vais faire une dinguerie. Toi, tu me rends la voiture. C'est une voiture pour enfants, non? C'est une... Oui. Il y a des chevaux. Avec le volant multifonction et le start, avec le changement de mode sport... Mais il rentre dedans. Et ben oui, il galère un peu. Mais c'est, alors, sur les sièges peut-être. Alors, ça, n'oublie pas la route. Tu vas tout droit. Tu passes le péage. Attends, je sais conduire. Tu oublies que j'ai piloté une des premières autos dans le sud. Et c'était moi. Je savais. Le coup du Carlton, c'est moi. Alors je te dis, parce que si tu prends de la vitesse, je te verrai plus. Donc je t'embrasse. C'était un kiff de te voir. Merci. Tu es con. Et t'as vu, tu me fais pousser. Pousse-toi. Ça démarre ou pas? C'est un truc de fou, ça démarre. Ça démarre. C'est un truc de malade. Je crois qu'on devrait te pousser un peu quand même. 130 chevaux. Tu l'as chargé? T'as mis le pied sur l'accélérateur? De 0 à 100 en 2 secondes. T'as mis le pied sur l'accélérateur ou pas? Non. Ok. Là, c'est bon. Maître Gims, à bientôt. On se voit Marseille. Allez. Salut. Oh putain, le pouce sur la colle. Oh putain. Il est parti. Oh putain. Le public, faites du bruit pour Maître Gims qui est avec nous. C'est énorme. Je vous rappelle qu'il est vice-champion du monde. Il bat son propre record ce soir. Il s'appelle Warano. Il est parti au bout du couloir. Je ne le vois plus. Allez, à demain. Salut, Maître Gims. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Notez bien, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0, du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, on se retrouve sur Énergie. Bonne soirée les gars, on attendait que ça là. C'est parti, 22h minuit, on est là que 2h, donc on en profite au maximum dès qu'on arrive. J'espère que vous avez passé une bonne journée les gars. On attendait que ça d'arriver. J'ai récupéré les PS4 et les iPad Air 2 à vous offrir tout à l'heure avant la fin de l'émission. On a récupéré plein de trucs, je suis en train de m'insérer dans le studio du coup avec toute l'équipe après Koé. Guillaume et votre message aussi, 612, test, est-ce que tu me lis? Oui, je te lis. Voilà le message qui vient d'arriver, le premier de la soirée. Là, voilà, c'est parti les gars, l'ouverture de l'écran est active, on peut y aller entre vous et nous, là c'est allumé. Voilà, contente de vous retrouver, Agnès du 78, salut à toi. La meilleure tranche horaire dans ma journée, c'est 22h minuit grâce à vous. Je t'embrasse aussi très fort, salut Amandine. Salut jusqu'à Montel, il est 21h59 et j'ai rush jusqu'à Montel, il y avait Koé. Je viens de voir ta vidéo sur les princes et les rois les plus riches, je suis choqué du roi de Thaïlande. J'ai été cet été, je ne m'en serais jamais douté, salut à toi. Moi je cherche mes cheveux, signé jeune stagiaire qui est arrivé par SMS. Vous pouvez, n'hésitez pas à démonter l'équipe en rigolant, non, bien sûr. Non. Par SMS là. Guillaume et votre texto aussi 612. Je m'appelle Guillaume, l'émission s'appelle Guillaume Radio 2.0. Si vous la découvrez ce soir, c'est un petit peu un classique, comme une émission, comme une chaussure, comme une Converse par exemple, comme une paire de Stan Smith, comme une paire de bottes, hein, comme une paire de talons pour le jeune stagiaire. comme une paire de... Attends, il y a quoi les chaussures les plus... Les dongs. Comme une paire de Air Max, voilà, une paire de Crocs. Exactement, voilà, je vous présente, il y a Julien le stagiaire de l'émission. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. C'est notre nana préférée ici dans l'émission. Sympa, merci. JM du standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Qui est là, il y a Julia qui est là aussi. Salut Guillaume, salut tout le monde. Flo des cadeaux qui est au fond. Salut Guillaume, voilà, salut tout le monde. Qui s'occupe des cadeaux et qui va envoyer les cadeaux ce soir, on a plein de trucs, hein, donc des iPad Air 2, des PS4, des tablettes Samsung Galaxy Tab A, il y a du son, on fera Lady Gaga le nouveau. On sera sur Snake. Soprano, il sera avec nous, je crois, dans une semaine, non? Bientôt. Ah non, dans deux semaines, je crois, dans deux semaines. En octobre. Exactement, en octobre. Parce que, exactement, ça sera en octobre. Jeudi, il y aura Jeff Panaclock, après-demain, du coup, qui va co-animer l'émission avec moi. Va bien rigoler aussi. Je vous écoute depuis longtemps, vous êtes énormes, continuez comme ça. Et voilà, salut à l'AS Quénois, mon club de foot. Salut Louis. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Bon anniversaire, Nathan de Reims. Demande à Flo pourquoi il est dans les toilettes des filles, gros bisous. Qu'est-ce qu'il y a, Flo, des cadeaux? Non, mais j'ai mis une photo, j'étais dans les toilettes des filles et ça m'a fait rire. C'est génial, Flo. Voilà, une vie, toi. Flo des cadeaux, c'est une sorte de Coluche de 2016. Je voulais pas le raconter à l'antenne. Mais lui, il crée pas de spectacle, il met juste des photos. Salut les jeunes pervers mondiales, j'étais plié. Eh, justement, ce soir, c'est les pervers. Je vais me faire passer pour une fille, on va appeler des petites annonces de cul. Je me ferai passer pour mandarine. Ouais. On les fera tout à l'heure. Il y a eu des petites annonces qui nous ont répondu, j'aime du standard. Ouais, il y en a plein, Guillaume. On a eu les Périnées orientales. Et non pas les Pyrénées, les Périnées. Qu'est-ce que c'est le Périnée, je sais dire? C'est chez la femme, c'est comme la prostate chez la femme. Qu'est-ce que... Non, du tout. Ah si, non, le Périnée. Mais non. C'est dans les fesses, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de prostate chez la femme. Non, mais l'équivalent. Je sais pas, franchement, j'ai aucune idée. Ils ont des cadeaux quand même. Oui, je sais ce que Qu'est-ce c'est. Qu'est-ce que c'est que le périnée? C'est ce qui se situe entre l'anus et les couilles pour les mecs et l'anus et le vagin. Ah, bah c'est un peu ce que j'ai dit. C'est le en dessous, quoi. Le périnée, c'est. D'accord. Tu te fais pas tripoter le périnée par un inconnu. Oui, bah c'est chez les deux. Et on a eu Djibril Pissé aussi. Il s'est fait braquer ce matin. Mais braquer comment là? On sait ou pas? Non, pas trop. Il y a pas trop d'infos. C'est un peu louche quand même. On sait pas s'il s'est fait genre alarme ou. Alarme à feu. Parce qu'il est costaud quand même, t'imagines. Ça va être choquant ça un peu. Hein. Bah, le pauvre. De se faire braquer. On a eu United Prostate of America. Bon, ça c'est très drôle. Coucou du 44 non plus. Jeannot, Jean. On a eu iPhone Sex au lieu d'iPhone 7. Ah, ouais, ça en fait, les mecs ils prennent des pseudos sur les chats de boules en fait. Et ils draguent des meufs comme ça. Et ils essaient de faire des vannes pour attirer un peu le regard. C'est assez marrant alors. Du coup, on note les plus marrantes tous les jours. On a eu et une et deux et trois. On a eu Avatar d'Avatar. Plein de trucs. Ils appellent tout à l'heure, du coup, on a eu que Brad Pitt avait divorcé aujourd'hui avec Angelina Jolie. Ouais, c'est fini. Il a dit qu'il avait de la drogue, de l'alcool et violent. Elle l'a un peu balancé sur lui là. Ah, c'est bizarre. Hein. On dirait alors, pas que, et alors, ils ont, ils ont 15 000 gueules. Ah ouais, c'est clair. Pour moi, c'est, non, mais c'est quoi? Il y a un truc qu'on m'a dit dans le milieu artistique, c'est qu'il y a deux artistes ne peuvent jamais vivre ensemble et il n'y a aucun couple artistique qui a réussi à passer sa vie ensemble sans divorcer. Bah, regarde les Beckham. Et, aucun. Encore ensemble. Les Beckham sont encore ensemble. J'allais dire les Guetta, mais les Guetta, c'est fini. Les Guetta, c'est fini. C'est pardon, Julien. C'est un sportif, David Beckham. Ouais, c'est un sportif, David Beckham. Mais Victoria. Et c'est vrai, elle a raison, je jure. Il est un peu mannequin elle aussi. Elle a rebondi sur ce qu'elle t'a niqué. On est 20 dans la salle à t'écouter. Eh ben, salut les 20. Salut les 20. Alors, je sais pas quelle salle il s'agit, mais salut les 20. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Ça va être toi, seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Salut à tous les routiers qui travaillent tard le soir. Bonsoir mon Fabien, salut à tous les routiers. Salut à la 5ème B du collège Saint-Exupéry à Vincennes dans le 94. Gros kiff d'être avec vous l'équipe, salut mon Seb. Salut. Est-ce que t'as les FIFA 17? Ouais, on a récupéré les FIFA. On a récupéré les FIFA 17, on a récupéré des iPhone 7. Des iPhone aussi. 7 aussi pour le double hit. Il est sorti FIFA 17, non? Non, pas encore, Guillaume. J'y joue demain, moi. C'est je suis invité à un tournoi demain après-midi. Ah, c'est la soirée de sortie, ouais. Ouais, exactement. Et il n'y aura pas l'Islande dedans. Et pourquoi il n'y a pas l'Islande? Ils ont refusé d'être dans le jeu. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ils n'étaient pas payés assez cher. En fait, que 15 000 euros. Attends, mais pourquoi ils payent les pays? Apparemment, ouais. Ah non, les fédérations, quoi. Ouais, et du coup, ils ont pas voulu la fédé islandaise de figurer dans le jeu, ouais. Ah ouais. Voilà. C'est con parce que ça aurait fait de la pub. Bah ouais, ils ont un peu buzzé à l'euro. Au contraire, bah ouais. Avec un clapping dans le public. salut, appelle-moi ce soir pour un jeu. Je suis jamais passé à ta radio et je t'écoute tous les soirs. Et ben, il faut que tu laisses ton numéro dans le texto. Les potos, si vous voulez passer un message à l'antenne, vous prenez votre SMS, votre portable, vous balancez un texto. Il faut juste commencer le message par Guillaume. Sinon, il arrive pas dans mon studio, même si vous envoyez au bon numéro. Voilà, Guillaume, un espace et votre message. Et vous l'envoyez au 6 11 12. Guillaume et votre message au 6 11 12. Si vous voulez balancer un petit dédicace là, voilà, Flo des cadeaux, montre-nous ton corps d'athlète, elle récupère. tu pourrais mettre Jules, wesh fils. Désolé pour les fautes, y a pas de problème. Enfin, je suis pas prof de français, t'inquiète. Salut à mon ange Florinda, Mathis du 56. Bon, j'espère que ça s'est bien passé les cours là. Ceux qu'on reprend, y en a qui reprennent que maintenant là. Mi-septembre, j'ai vu des messages. Ouais, c'était ma rentrée aujourd'hui. Ouais. Bah, putain, merci de me faire ça parce que j'ai vraiment une vie de merde. Et ben, si vous voulez passer. Vous me laissez votre numéro de téléphone dans le texto en me disant pourquoi vous voulez passer et avec plaisir. C'est bizarre ton micro, il a un son bizarre. Ah non, je crois que c'est ton enceinte. Ouais, je crois. Bah, parfois vous nous faites déplacer la technique et tout alors qu'en fait c'est juste une radio chez vous qui merde un petit peu. Ouais. Mais normalement mon micro a un bon son. Ah oui, juste il fonctionne. Ouais. Ton moi, micro c'est bon. Fonctionne, j'aime du standard. Ouais, ça a l'air de marcher. Son moi aussi, cerveau Guillaume. Fonctionne. Ouais, ça pas tout le temps. Salut Guillaume, merci. Grâce à toi, tu m'as donné la passion de la radio. Je viens de créer ma web radio, je m'éclate ça. Salut Joual. Salut Joual. Salut. Joual Antenne. Eh ben salut Joual Antenne. Ça m'intéresse pas de démonter l'équipe, je veux juste démonter, je viens stagiaire. Ah, bah non, mais ça c'est moi. Bon, moi je complexe sur mon nez de 10 cm, signé JM du standard. Pas du tout, j'en pense. Salut à toi, 17. Guillaume et votre message là aussi, 112. Petit coucou de la patrouille de police à Boulogne-sur-Mer. On vous écoute pour décompresser entre deux inters. On ressent ce besoin d'écouter vos délires lors de moments difficiles. Ah, salut les gars. Bon courage. JM du standard voulait balancer une blague sur la police. C'est vrai. Ou sur. Non, en fait, il voulait. Je vous explique, c'est pas forcément. Hein. On avait déjà fait une fois, il y avait les mecs qui étaient là pour Vigipirate en bas, la radio. Et James Zona est allé balancer une flaque sur la police. Ah là, pour les détendre un peu, pour rigoler. Faut, c'est important. Et là, bon, il n'y a plus de Vigipirate tout de suite. Ils passent tous les quarts d'heure, donc on ne sait jamais quand ils sont là, en fait. Et du coup, JM du Standard veut aller à la sortie du match du PSG ouais, pour faire une là. Blague sur les supporters du PSG avec un mégaphone. Ouais, pas de soucis. Hein. Voilà. Fais gaffe à la blague. Ouais. Salut Guillaume, écrit sur C12 dans Touche pas mon blague. J'ai pas compris, écrit sur C12, j'ai pas compris. C'est C8 normalement. Ouais. Fais la cousine allemande, salut à toi. Alors tout à l'heure, je me ferai passer pour une femme, on appellera des petites annonces, je serai avec ma cousine allemande. Yeah cousine allemande yeah. Qu'est-ce que tu... Flo des cadeaux qui fait très bien la cousine allemande. Qu'est-ce que tu manges? Ah ben je suis en train de manger des petits couples. Des petits quoi? De la poche froule. De la poche froule. C'est quoi ça, la poche froule? Ce sont des spécialités allemandes à la pomme. D'accord. Ah ouais, tu connais un petit peu l'Allemagne. La poche froule. Merci beaucoup. Eh ben écoute, bon appétit, mange bien ton... Merci beaucoup. Les gens, le périnée, c'est un muscle dans le vagin. Bah oui, Flo des cadeaux quand même. Et tout le monde le sait que c'est ça, quoi. D'accord. Bah oui. Un mec qui a perdu sa bite, je lui ai retrouvé, elle était dans son cul. Si j'ai essayé. Oh, mais arrêtez. Bon, il y a plein de messages qui arrivent. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous découvrez mon émission, voilà, je m'appelle Guillaume. C'est Guillaume Radio 2.0. Sur Facebook, c'est Guillaume Play. Hein, si vous venez nous retrouver, on est 1 952 000. Ouais, merci. Vous pouvez liker la page, on se retrouve. Voilà, Guillaume Play, P-L-E-Y. Sur Twitter, pareil. On est combien, JM du Standard, sur Twitter? Sur Twitter, hein, je te dis tout de suite, Guillaume. Ah, bah alors dis-moi. Ouais. 465 739. Voilà, 465 000. Ouais, c'est ça, ouais. 739. Ouais. T'as dit 467 000. J'ai pas envie qu'on nous accuse de tricher. Ah non, j'ai dit 465 sur les chiffres. Peut-être pas articulé. On ne ment pas au CSA et à Médiamétrie. Jamais, on n'est pas des mythos, nous. Donc tu ne mythos pas, JM du Standard. Ouais. Et nous sommes combien sur Instagram? JM du Standard, concentration, ouais. Ne te trompe pas d'un chiffre. Pareil, hein, Guillaume Play, PLEY. On est combien? 570 188. Voilà, 570 000. Merci les mecs, on met toutes les photos là. Guillaume Play, PLEY, c'est venir liker la page en 2 minutes. Il y a Adam qui est arrivé de Suisse. On avait un petit bug de Standard. Il est là. Bonsoir, Adam. C'est qui le papa? Vous allez bien? Vous allez bien? C'est qui le papa? Enchanté, hein. Enchanté. Toi. Ouais, tranquille, ça va, ça va. C'est pas toi qu'on a vu à la télé là qui posait un évier dans le dernier épisode de Tous Ensemble sur TF1? Tu veux dire un truc. Bon, ça va, Adam ou quoi? C'est Adam ou Adam? Comment on pense? Alors, c'est comme tu veux, hein, vraiment. Écoute, c'est ton prénom, donc c'est toi qui me dis. Alors, hein. Adam. Adam, eh ben salut. À l'américaine. Adam. Pas de problème. Ouais, voilà. Salut Adam. À tous les Adam de France ce soir. Petite dédicace spéciale Adam. Salut. Moi, je suis de Suisse. On fera les dédicaces spéciales par prénom bientôt. Ah ouais, madame. Voilà, on va cantonner chacun. Dédicace à tous les Frédéric. Salut les Frédéric. Je vois les SMS. Vous allez vite, hein, en ce moment là. Je trouve que ça va vite par SMS. Guillaume et votre texto 612. Je complexe parce que je me fais sauter le cul tous les jours. C'est les JM du Standard. C'est pas pour moi d'habitude ces messages. Je lis les vrais messages. Ah, les gars, vous trompez. Faut que vous sachiez. Drôle. Quand je démonte. Enfin, je lis un message qui demande gagner, c'est les vrais essais, je ne les invente pas. Bah alors, hein. Ah, c'est gênant. iPhone 7, Saras, j'épouse mon mec si je l'ai. Salut Zaina. Là. Ah, salut. Eh ben, salut. Hein. Julien, tu devrais connaître le périnée, c'est la peau non. Que tu lèches à JM du Standard. Oh, s'il vous plaît. Je devais passer hier soir pour les personnes qui sucent leur pouce et je suis pas passé. Ah merde, c'est pas normal, mon Erwan. On a un peu des bugs de Standard là en ce moment. Depuis la rentrée, là, je sais pas c'est, là, ce qu'il a mis comme saleté dedans, hein, Mickaël, là, mais il marche plus très bien. Quoi. Alors, Adam, t'appelles. De Suisse, t'es en quelle ville en Suisse, toi? Savièse. C'est une commune, mais c'est à côté d'une ville qui s'appelle Sion. Qui s'appelle Sion? Bah oui, c'est connu. Ouais. Sion. Très grosse ville. Sion. Francophone là-bas, ouais. Ouais, exactement. Salut à tous les habitants de Suisse, alors. T'es toi-même la Suisse, t'es content d'habiter en Suisse ou t'es pas d'origine suisse? Non, c'est stylé. Ouais, c'est joli la Suisse. C'est un beau pays, ouais. Joli, moi, je trouve ça doux la Suisse. C'est agréable à vivre. Non, c'est vrai. Hein. On mange bien. C'est naturel. Ouais, on mange bien et il y a des lacs et tout. Moi, j'adore les lacs. Ouais. La Clément. Ouais. Tu te baignes un peu dans les lacs ou pas, toi, quand c'est en Suisse? Ouais, des fois, c'est stylé, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais elle est chaude l'eau ou pas trop l'été hein? Elle est un peu froide. Enfin, ça dépend. Mais plus froide, quoi. Ouais, ça reste un peu. C'est pas non plus les bains. Bah, beaucoup de pique-niques en Suisse. C'est pas la mer. Ouais. J'aime du Standard. Beaucoup de pique-niques en Suisse. Ouais, j'aime du Standard. Travailler pour l'amour dans le printemps. Exactement. Mais c'est vrai, donc l'organisateur de pique-niques. Dis-moi si j'ai raison ou pas, Adam. Des pique-niques? Ouais. Ah, comme partout, vous les dimanches. Il a dit Adam, on l'appelle, j'aime du Standard. Respecte un petit peu ceux qui passent à la radio, s'il te plaît. Ok, Adam. Ouais, t'inquiète pas, je rappelle parce que dans 2 minutes, t'as oublié ce con. C'est en général. Ouais. C'est mon dépucelage. Ah, c'est. Enchanté pour ce petit début. Je suis un peu stressé, mais ça va. Non, attends, allez, tranquille, ça va. On n'est pas sur la première radio de France, on est là. Hein. Entre nous. Je vous adore. Ah bah, c'est gentil, merci beaucoup. Écoute, ça me fait très plaisir que tu m'appelles et je peux vous dire que je vous kiffe et que tous les soirs, à chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est de... de vous retrouver le soir sur Énergie. C'est un vrai moment de passion, un vrai moment de plaisir, un vrai moment de partage. Hein. J'ai l'impression que c'est la messe le soir, on se retrouve ici. Non, mais c'est vrai, on se parle tous ensemble. C'est un vrai moment où. On échange. Il y en a qui ont ras le cul d'un truc, ils peuvent venir le dire à la radio parce que vraiment, on ne bride personne. Hein. On n'est pas sur TF1. S'il y a un truc qui vous plaît pas et qui vous a fait chier dans la journée, vous êtes fait arrêter par des flics, ça vous a cassé les couilles, vous pouvez venir le dire. Ah ouais, on est là. Pareil, dans le contraire aussi. Hein, voilà. Une bonne action. Vous arrivez à un truc, il y a un mec qui m'est rentré dedans en moto tout à l'heure, un bâtard. Ah oui. Ah ouais. Un tchécoslovaque, ouais. un gros bâtard. Non, mais cet enculé, là, il a bu de l'alcool, il s'est barré, bref. Ah merde. Et il a fait tomber un autre. Comment ça s'appelle? Un autre livreur à vélo, il a ouvert sa portière et je l'ai pris et tout. Non, un vrai bâtard, un mec s'est barré et tout. Bon. J'allais lui péter la gueule et j'ai décidé de partir avant. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein. Si, t'as un coup de gueule, toi, Adam? Il y a un truc qui te fait chier souvent, là, un truc qui te saoule. Les examens et c'est tout. Ouais, t'as les examens là, c'est quand? J'ai presque chaque jour un examen, quoi. Ouais. Je suis dans une école d'art, en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, école d'art. Attends, c'est bien ça, bravo. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Et donc, tu voulais passer un petit coup. T'aimerais être quoi, toi? T'aimerais être un artiste? T'aimerais être quoi? Graphiste, très bien. Ouais. T'aimerais gérer des sites web? Ouais, voilà. T'aimerais être dans le 2.0? Faire des affiches et tout. T'aimerais être dans le business du digital? Voilà. Ça marche bien. Community manager? Ouais. Ah putain, il y a tellement de métiers de branleurs. C'est ouf. Ça balance. Oh là là. C'est ton coup de gueule. Bosser dans la com. Ah, bosser dans la com. Ah, non, les mecs, ils arrivent à 19h, Énergie, ils partent à 20h. Ouais. Oh là là, putain, je suis fracasse. Ouais. Ah, putain, c'est trop ça. Bah ouais, il y a les afterwards de Jeff. Ah, il y a le pot de départ de Jeff, de Nicolas, de Gaëtan. Tous les soirs, il y a un pot de départ. Moi, j'ai saucisse Natki. Je peux pas tout faire, Guillaume. J'ai mis un poste ce matin à 8h. Je vais mettre 2 postes par jour pour toi, Guillaume. Bah ouais. T'es pas la star ici, ok? T'as pas fait de télé comme Koé, d'accord, Guillaume? Il y a plusieurs animateurs ici. Non, tu pourrais, on les adore. Oui. Non, franchement. Les animateurs. Non, en plus, c'est un métier qui est très très dur et c'est un métier qu'ils font avec passion. Pas forcément Énergie en général, je parle. Hein. Un métier, il y a des mecs qui font ça avec passion et qui arrivent à gérer les réseaux sociaux, c'est un vrai métier. Hein, On se rend pas compte. Hein, mais... ouais. D'ailleurs, sur notre Facebook, on voit qu'on en a pas de. Et on sent que c'est nous qui. Nous, on le fait un peu à l'ancienne. Hein. Nous, on est à la route, ça, moi, dans. Hein. Moi, t'as l'impression, j'ai des dreads et je suis en route, quoi. Ouais, pieds nus, quoi. Ouais, j'ai l'impression que je marche pieds nus avec une tente dans mon dos, mon frère. Ouais. J'ai l'impression que j'ai un vélo avec la tente et je pars en camping. Woodstock. Ah ouais, putain. Moi, j'adore le camping. T'as déjà fait du camping un peu? Ah non, t'as déjà dormi sous une toile? Ouais, ça m'est arrivé une fois, mais quand je me suis réveillé le lendemain, il pleuvait. Ah ouais, t'as pas trop kiffé. Bah, c'est le risque, hein, t'es dedans. Non, j'ai pas kiffé du tout. C'est vrai? Ah putain, moi j'adore. Ah, le camping, c'est ma vie, quoi. C'est quand même. Ah, t'es campeur, toi? Ah ouais, je suis campeur. Je suis campeur 2000, moi. Non mais. Ah ouais, avec la glacière, là. Putain, tu pars le matin. Ah non, mais tu vas à la plage, tu fous la glacière dedans avec les petits packs congelés, là, machin, bim. Ouais. Tu mets les petites canettes et tout, c'est quand même la vraie vie, quoi. Les vacances, quoi. T'as une meuf, Adam, ou t'es seul au monde? Entre deux. Ah, tu vas pécho, ça veut dire? C'est entre deux, c'est à dire quoi? C'est sur la fin? Presque, ouais, sur la fin, quoi. C'est marrant ce don que j'ai un stagiaire pour ne jamais deviner. Mais non, mais entre les deux. Toujours l'impression qu'il a un truc et puis finalement. Ouais. Moi, je suis positif dans ma réaction, tu vois. Non, mais c'est bien, t'as raison. Et en tout cas, bienvenue, Adam. Hein. Merci. Plaisir que tu m'appelles et tout ça. Et alors, vas-y, raconte la meuf, c'est qui, comment elle s'appelle? Céline. Elle est fraîche un peu, oui. L'odeur, elle est comment, son odeur? C'est important. Non, mais sans tu parles d'odeur maintenant aussi. Non, son odeur. Non, mais je parle pas d'odeur, parce que j'ai un stagiaire. Ah, mais moi, je kiffe. Ah, oui. Le mec, il renifle. Non, mais c'est pas que t'es fétichiste. Ah, mais si. Renifle, t'es un vrai chien, toi. Le mec renifle complètement les mauvaises. Ah, ouais. C'est important. Le mec, c'est un renifleur, quoi. Il est tout de bras. Non, mais c'est important. C'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des relations avec des meufs et de sentir que physiquement. Si elle fouette la fille, non, mais pas qu'elle fouette, mais tu sens que. Alchimiquement, ça marche pas. Je sais pas comment expliquer. Il y a des odeurs ou ouais, tu vois. Ouais, déjà resté longtemps avec une fille, Flo des cadeaux. Ouais, je suis déjà resté longtemps. Ouais, 6 ans. 6 ans. Mais je pense que c'est un peu animal. Et animal. Non, mais si. Alors Guillaume, recule-toi, je suis un putain d'animal. Mais non, mais c'est des restes qu'on a. C'est des restes animaux. Oh là là. C'est des phéromones. Ah, j'ai encore une queue. Ouais. Non, c'est très bien. Ouais. Non, mais je pense que quand on reste longtemps avec une meuf, moi je le sens. Je suis longtemps avec une meuf, je le sens. Je mets mon nez dans son cou. Je sens que c'est chez moi, quoi. Bah oui. C'est le territoire. Moi, j'ai une meuf d'ailleurs, je dis, attends, excuse-moi, je vais chez moi, je mets mon nez dans son cou quand je marche. Et ça, j'ai l'impression de voilà. T'as son odeur. Je suis extrêmement cucu hein, quand je suis. Julia, il y a une étude qui dit que tu tombes amoureux de l'odeur des personnes. Oh là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. Ah, ce qui est énorme, c'est que Julia, la meuf, elle arrive là, ça fait. Ça y est, elle cherche une personnalité, elle va commencer à vouloir faire des sondages. Alors, dans le game, j'ai un petit calepin. Il sait que les études de Tennis Sofres, c'est comme le disait 90%. Non, c'est vrai. Non, je rigole parce que c'est ce que je fais sur TPMP tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris 91%, 90%, etc. Machin, c'était marrant. Et alors, et donc, Julia, tu disais, ouais. Bah, en fait, tu tombes amoureux de l'odeur de la personne. Ah, ouais, toi, tu crois que tu tombes amoureux de l'odeur. Ouais, c'est ça, exactement. Par exemple, on avait une stagiaire avant qui avait une odeur extrêmement agréable. C'est qui? Et bah, une meuf qui s'appelle Anso qui était en stage. Ah oui, elle avait une odeur. C'est vrai, j'ai mis son odeur. Véridique, quoi. J'aurais dû demander son parfum, quoi. Ah, on l'avait demandé, mais je m'en rappelle plus. Bah, j'aurais dû l'acheter, le mettre sur mon oreiller le soir. Ah, mais là, ça fait plus. Quand je rentre, j'ai l'impression d'avoir une meuf comme ça. Non, c'est pas mal à faire, ça. Ouais, on peut les déjà, tu t'es jamais mis du parfum de meuf sur le sexe? Non, du parfum de garçon sur le sexe, ouais. Du parfum baba. Non, de garçon. Du parfum trop chelou, tu sais. Non, du Barbie. Pourquoi Barbie? Non, mon parfum, j'ai déjà mis sur ma bite pour essayer, voir si ça sentait bon. Du Axe chocolat sous les Ah, ça irrite, hein. Il part en boîte avec du Axe chocolat. Axe chocolat sous les boules. Il soulève ses boules, il fait un petit coup de pute. Ah, faut pas le faire, hein. Il se pulvérise le périnée, je sais. Ah, bah là, tout est pulvérisé. Ouais. Salut Guillaume Guigui au second H du lycée Jean Guéhenno. Salut à toi. Salut. Au club de hand de Courcon. Salut Jolo du 17. Bisous. On va parler des galères au rendez-vous. Hein. Toi, t'es allé à un rendez-vous sur Le Vous, t'as rencontré une gonzesse sur Le Vous. Ah. Et tu vas nous raconter un peu ce qu'elle a fait. C'est ça, madame. Ouais. Alors, venez nous dire, est-ce que. Attends, juste parce qu'il y a la pub, sa mère, j'ai pas vu. Ouais. En fait, on a parlé avec Adam parce qu'on se sent bien avec toi. Je sais pas pourquoi, je le sens bien avec toi. Ouais, chaleureux. Je vous ai découvert ce week-end avec les podcasts. Maintenant, je vous écoute. Salut, mon Florian, c'est gentil ça. Salut, Florian. Eh ben, c'est super sympa ça. Faudrait que vous fassiez une émission avec le Palmacho. Bah, ben, écoute, avec plaisir. Ouais. Nous, tu sais, on est ouvert à tout le monde. Hein. Pas raciste, hein. Si vous voulez venir faire une émission, c'était avec plaisir. Non, mais c'est vrai, en plus. Hein. Moi, je les aime bien, le Palmacho, je les trouve drôle. Hein. Ouais, ils sont marrants. Faudrait qu'on invite la Miss Météo du Grand Journal aussi. Allez, je vous ai découvert ce week-end aussi. Salut les mecs. Ah, bah, c'est gentil de découvrir l'émission, là. Bienvenue. Continuez d'en parler, les mecs, autour de vous. Prévenez les autres, hein, quand vous êtes en cours le lendemain ou au boulot, les mecs, sinon on ne montera jamais. Et là, on arrive déjà, on est numéro 1, mais il faut qu'on monte de numéro 1 encore plus au-dessus des autres. Il faut qu'on arrive vraiment et que tout le monde se retrouve là le soir. Comme ça, on sait quelle radio écouter. C'est simple, hein, c'est vous écouter Énergie comme ça de 22h à minuit. Il y a juste 30 secondes. On va parler des galères pendant un rendez-vous un peu avec des meufs ou des mecs. Un rencard. Est-ce que vous avez déjà donné un rencard et c'était de la merde? Guillaume et votre message aussi 612, des rencards chelous, on en parle juste après sur Énergie. Okay. Merci d'être là, les potos. Vous allez bien? Qui, papa? On complète cette phrase. J'ai un collègue qui. Alors, vas-y. Moi, j'ai une collègue qui finit toutes ses phrases sur le thème de Motus. C'est-à-dire que quand elle va appeler quelqu'un, elle va faire ah bah je vais appeler la résidence des Bérangères. C'est juste un... C'est drôle ça. J'ai perdu le dossier. Et puis quand on est à table midi, c'est tu peux me passer le sel. Nico, t'imagines Oli, j'ai un orgasme. Rendez-vous demain 6h 9h30 sur Énergie. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Qui sera le prochain président des États-Unis? La voiture autonome est-elle le transport de demain? Peut-on encore rencontrer sa future femme ailleurs que sur son téléphone? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Julien Télouk. C'est un truc de fou! J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Gagnez avec Énergie des box all inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Koï de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, Hit Music Only. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Karma, karma. Come and do your part. Karma, karma. Cause you broke my heart. And even though you're such a bitch, I need you now. Karma, karma. Don't you let me down. Get by myself. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne là sur Énergie. Bonne soirée les mecs. On va appeler. C'est pas l'heure de la blague. Ah oui, exactement. Salut Guillaume. JM du Standard nous fait une blague tous les soirs. On l'a envoyé, il est plus là. Hein. Je suis bien sûr dans le studio. Ah, il est parti. Il y a plus Flo des cadeaux dans le couloir. Il y a plus Julia dans le couloir aussi. Et d'accord. On l'a envoyé JM du Standard à la sortie du match. Il y a le PSG qui joue ce soir. Et qui mène 3-0 contre Dijon en Ligue 1. Voilà, pour l'instant c'est 3-0. Donc on est vraiment en direct. Ouais, match se joue en ce moment. Il reste une demi-heure de jeu. Ouais. Donc dès qu'il y a le moindre but, on vous le dit. 3-0 pour l'instant avec des buts de. Avec des buts de Cavani, Lucas et un mec de Dijon contre son camp. Voilà. Voilà. Ah merde. Ouais, le pauvre. Dommage. Bon, on va suivre le match et JM du Standard va aller faire des blagues aux supporters. Il y a des blagues sur les supporters du PSG. Je vous ai découvert ce week-end aussi. Eh ben, c'est gentil, les mecs. Merci. Je vous ferai bien le cul de Julia. Non, non, non. Elle serait trop contente. En plus. Elle a un sourire. En train d'écouter coincé dans ma chambre. Impossible d'ouvrir la porte, la loose. Ah bah, appelle les pompiers, hein, frérot. Ou crie, je sais pas. Ah, parce que si t'as le feu, t'es dans la merde. Hein. Attention, hein, je me touche la tête pour toi, mais fais gaffe, quoi. Bon courage. Merci à toute l'équipe pour votre bonne humeur. Je bosse dans une usine et sans vous, je me fous vraiment une balle. Bisous. Salut JP. Merci JP. Salut. Du pur de bonheur, vous écoutez en rentrant du taf. C'est comme ça. Salut ma Magali. Bon, c'est sympa. Hein. Bon, on passe les soirées ensemble là, sur Énergie. Guillaume et votre dédicace. Bonsoir à Tanzian. Merci pour l'info exclusive sur Snapchat. Je viens de la voir. Si vous avez Snapchat, vous pouvez me follow. Hein. Pareil, Guillaume Play, PLEY. On met beaucoup de stories dessus, on met beaucoup de messages, de vidéos, tout ça là. Courage aux agriculteurs dans les champs. Salut mon Seb du 7-1. Salut Seb. Voilà, plein de petites dédicaces qui défilent. Il y avait Adam qui était là. Tu m'entends, Adam? On se racontait les galères en rendez-vous. Ouais. On va en parler dans deux secondes. Toi, Adam, t'avais eu rendez-vous par rapport à une application qui s'appelle Lovoo. Ouais. C'est ça. Et t'avais rencontré une petite meuf dessus alors. Ouais, voilà. Vas-y, raconte un peu. Bah, en fait, j'avais rencontré une fille dessus et pendant quelques jours, on s'est parlé et le contact était bien, quoi. Ouais. On s'envoyait des petits cœurs, des trucs comme ça. Et un jour, on s'est décidé de se voir, quoi. On a convié une heure. Elle est arrivée genre une heure après. Je me suis dit, je ferme les yeux. Et pendant qu'on marchait, en fait, je voulais qu'on parte dans un parc pour se poser un peu, pour être tranquille. Ouais. En fait, elle était sur son téléphone en train de jouer à Pokémon Go. Et en plus, après, j'ai découvert aussi qu'elle parlait à un autre mec sur son téléphone. Ça m'a un peu saoulé, donc je voulais me casser. Je sais pas comment j'allais faire. Mais c'est quoi? C'est que tu lui plaisais pas ou c'est qu'elle était vraiment... Vraiment pas, j'en ai c'est chelou un peu. Non, mais après, t'as les meufs bizarres. Hein. T'as ouais. les mecs bizarres aussi, d'ailleurs. Jouer à Pokémon en rencard. Après, je peux comprendre parce que moi, parfois, je suis à fond sur des applis. Je suis à fond sur des jeux. Non, attends. La fille, tu la connais pas. Mais de là, jouer. Non, mais attends, imaginez la rêve. Il y a un Pokémon rare. Mais on s'en fout. C'est lui le mec rare. Il y a un Pokémon rare. Tu le cherches depuis 2 ans. Ah, mais bon. Bon, le jeu il a 3 mois, mais. Il était à un rendez-vous, il est juste à côté. Bon, tu le sors et tu dis, attends, excuse-moi, j'attrape. Et voilà, bon, ça fait mais rire. Pas tout le temps, voilà. Après, quand tu dis jouer, c'est vraiment, il était vraiment beaucoup dessus, genre. Ouais, voilà, c'était un manque de respect quand même, non? Ouais, ça c'est compliqué. Il fallait lui dire, ouais. Non, après. Ouais, je lui ai dit à un moment. Ah, ouais, ouais. Après, elle te parlait plus, genre, elle parlait à d'autres mecs sur le portable. Bah, en fait, elle parlait avec un autre mec au téléphone et quand je lui posais des questions, elle me disait soit oui, soit non, soit peut-être. Ouais. Ou soit elle me rappelait même pas en fait, elle me foutait des vents. Ouais, ouais, bah c'est le genre de meuf. Peut-être qu'elle avait un autre. En fait, peut-être qu'elle parle à plusieurs mecs et s'est fait plein de rendez-vous à droite, à gauche. Tu sais, elle était. Voilà, elle draguait un peu à gauche. Tu sais qu'il y a des butineuses, hein, c'est des petites abeilles, hein, les meufs. Elle cherche un peu, là. Et, non, mais c'est vrai, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs rendez-vous dans la même journée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Julia? Oh non, moi je suis la femme d'un seul homme ou d'une seule personne. Oh là là, parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. C'est dommage que j'ai pas découpé cette phrase hier quand ils disaient pourquoi vous restez toute la vie avec la même personne. C'est pas possible. Non, mais c'est relou. Après, enfin, je peux pas être sincère avec plusieurs personnes. Non, non, mais il y a pas d'amour forcément. On a compris. Pas quand tu sors avec une meuf. Mais je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec deux meufs sur Tinder et de faire deux rendez-vous même. Deux dates. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Non, mais je vais pas faire comme si c'était même pas arrivé, c'est pas vrai. Ouais. Donc, j'exagère. Moi, j'ai fait deux meufs chez un pote en la même soirée en fait. C'est-à-dire en fait, il y a une meuf. Non, pas couché. Ah. La première meuf, elle est venue à 19h. À 21h, elle est repartie. J'ai appelé une autre meuf à 23h, elle est venue et elle, j'ai couché avec elle. Ah, c'est vrai? Chez un pote en soirée. Et le mec, il a eu. Et l'autre, elle est partie entre les deux? Ouais, la meuf, elle était un peu vénère, je parlais mais pas. Ça va rien. Ouais, ça va rien. Je dis, bah vas-y, pars, si tu veux, malheureusement, et l'horaire, il va partir un peu tard, tu vois. Ouais. Et après, l'autre meuf est arrivée. Quoi va partir tard? L'RER. Elle habite Paris, tu vois, donc forcément. Pour rentrer. Ouais. Et du coup, la deuxième meuf, je l'ai pécho. C'est le train de banlieue. Le train de banlieue, voilà. Comme le métro, mais dehors. Parce voilà, que j'ai mis à Paris et on monte dedans et ça dépose plein d'arrêts comme ça. Comme un train, quoi. Et non, mais plus rapide qu'un train, c'est qu'il y en a un tous les 5 minutes. Genre, ouais, oui, c'est vrai. Minutes, ouais. Ça dépend des heures et tout. C'est pas un truc que t'attends à qui, quoi. Non, heureusement. Franck, ça fait longtemps que j'écoute et c'est mon premier SMS, c'est pas le dernier. Merci, man. Salut à Zach, j'aimerais passer ce soir. Je suis jamais passé à l'antenne. Et ben, salut à toi. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une histoire un peu marrante, une galère pendant un rendez-vous amoureux sur Tinder, sur une application ou quoi? Puis on va retrouver JM du Standard qui est face à des supporters dans une minute. Au Julia, est-ce que t'as déjà eu un rendez-vous sur Tinder ou quoi que ce soit, une sorte de rencard un peu amoureux, puis finalement il t'est arrivé une galère? Ouais, complètement. En fait, je suis en rencard normal avec un mec et tout. Et en fait, le mec a. Je l'ai cramé. Il a simulé que son pote l'appelait pour se barrer du rendez-vous. Il n'est jamais revenu. C'est vrai. Je vous jure. Je vous jure que c'est vrai. Bah, je sais pas. Peut-être que je lui plaisais pas ou un truc comme ça. Mais vraiment, je me suis pris le pire des râteaux. Le mec est parti avant la fin du. Il m'a même lancé un billet et il est parti. Un billet de quoi? Un billet de genre 5 euros pour payer le café. Ah ouais. Un truc de ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Flo, des cadeaux? Pourquoi tu montrais Julia du doigt? Ben non, mais c'est-à-dire que t'as un rendez-vous avec Julia. Si elle parle comme elle parle avec nous à l'antenne, ça peut faire peur. Attends. Elle est cash. Donc elle est cash comme ça en rendez-vous, ça peut faire peur. Ah, tu trouves que c'est qu'elle est cash? Bah ouais. Peut-être qu'elle a pu être cash et lui faire peur. Mais genre t'arrives et t'as fait. Parce que parfois Julia elle est un peu grasse quoi là. Ouais, ouais. Non mais t'es arrivé, t'as pas fait. Ah, j'ai chié là. J'ai arrivé là, c'est bon. Tu as les règles. Attends, je m'assois de côté, j'ai mal au cul. Non, pas du tout, je suis arrivée maquillée. Ah là là là. Je commençais à faire la fille féminine et tout. Ah là. Bon, salut Guillaume, ça fait un an que je me dis que c'est. Bah, et merci hein, les gars, en tout cas. Vous êtes les meilleurs, c'est énorme. Merci frérot. Salut Guillaume, dédicace un message à l'antenne pour Stéphane Bonnecrêpe. Petit bisou des fifous. Salut Guillaume, bonne continuation à vous. Salut. Je voudrais faire une blague à ma femme que je me suis fait choper par la douane. Ah bah alors, laissez vos numéros les mecs. Hein. Si vous voulez passer, Guillaume et votre message aussi. J'adore votre radio, c'est la seule où on rigole vraiment. Ah. Et le choix de musique est top, continuez comme ça. Alors tiens, bah, en parlant de ça, j'avais dit que je ferais Soprano, on se le calerait direct. Attends, j'ai pas une version album avec l'instru au début et tout qui est bien. Attends, voilà, j'avais une meilleure version de ça parce que j'ai plusieurs versions. Et puis on va retrouver, voilà, elle est là avec la petite instru normalement au début. Elle est un peu plus efficace celle-là. Je m'appelle Gaspard et je suis une travestie. Putain, il y en a un qui balance des vannes sur Gaspard depuis 10 jours là. Bon courage. Aujourd'hui, un gars de ma classe a retourné une table sauf qu'elle est retombée sur mon épaule. Ah merde. On va vous filer des FIFA, tiens, ouais, juste après. Ça va, mon Guillaume, dédicace à la seconde 1 et à Momo du 94. Bonsoir à vous tous. Julien, fais pas le coincé à la radio hier quand j'étais solo, tu voulais plus que j'arrête. Moi, je parle de moi là. Salut à toi. De quoi Offre-moi l'iPhone 7, mon téléphone, c'est de la vraie merde. Ah, alors justement, on a des iPhone 7. Ça peut tomber. Pendant que j'enculais, Julien stagiaire, il me disait, t'as pas je suis pas ta mère. Sérieux, passe un coucou à mon mari, Rouen, Nico, l'amour de ma. C'est une vraie expression. Ouais, au Canada. Il s'en fait bon, il dit, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Mais là, ça calme direct. Apparemment, c'est ce que tu aurais dit. J'ai pas dit ça, non. Monsieur. Jamais de la vie. Bisous à tous. L'équipe continue à nous faire délirer, les secouristes bénévoles, la protection civile de Perpignan. Salut, man. Salut. Allez, on retrouve JM du Standard cette fois-ci, c'est la bonne. Juste après. Il m'entend, JM du Standard ou pas, non? Je sais qu'il a. Je crois qu'il est dans le métro, en fait. Capte pas. Est-ce que tu m'entends, Alice? Oui. Ah voilà. Oui, Alice est travaillée dans notre équipe l'après-midi, tout ça. Est-ce qu'il y a JM du Standard qui est arrivé ou pas? Non, pas encore, on l'attend là. Ah, il est sur le chemin là. Tu m'entends, JM du Standard? Ouais, le métro vient de s'arrêter, Guillaume. Oh là là, ah, c'est une blague. Mais toi, t'es vraiment un branleur. Le mec, il va à 500 mètres de la radio. Allez, il est à pied au pire. Déjà, au vélo. Il prend le métro, alors je lui ai dit d'aller à pied. On entend le bruit du métro. Alors attends. Et le mec, il arrive, il se retrouve. Attends, mais il est arrêté? Arrêté, ouais, vraiment, j'attends. Mais sors du métro, mais pourquoi tu sors pas? Et continue à pied. Parce que ça vient de s'arrêter à l'instant. Ouais, mais genre, vous êtes enfermé dedans? Ouais. Non, c'est une vanne. Mais t'es où? Oh le lourd. Il y a deux stations. Il sortira. Oh là là. Bon bah demain j'ai le standard. Ah, salut. Ouais. Il savait plus quoi faire. Alors, il avait peur de faire une blague aux supporters parisiens. Du coup, il a tiré l'alarme du métro pour rester bloqué dedans quoi. La police m'a jeté à la poubelle ma canne à selfie car on a le droit de les emmener dans les concerts. Ah merde. Ah ouais. On va se raconter les rendez-vous qui sont mal passés. À tout de suite, JM du standard. Bon courage. À tout de suite. En plus, il s'est éteint là, finalement. C'est vrai? Pour de vrai? Je te jure. C'est pas vrai. Bon bah écoute, allez. Et on va demander à Alice de faire la blague. Ah ouais, notre assistante qui travaille avec nous là, qui attend JM du standard avec un appareil photo pour filmer et tout ça. On va te demander de faire la blague à sa place, Alice. Allez, alors c'est pour rire. Allez, vous bougez pas les copains. On se retrouve dans deux minutes. On va parler des galères pendant les rendez-vous amoureux. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'ailleurs rendez-vous avec une meuf du bahut avec un mec ou quoi et c'était de la merde. Guillaume et votre message. Venez réagir. Vous passez deux minutes. C'est marrant à faire. Je vous appelle. Essayez de passer à la radio. Vous verrez que ça marche vraiment. Guillaume et votre message avec votre numéro. Vous l'envoyez au 6 11 12 et je vous appelle juste après Soprano. On se fait en feu sur Énergie. Bienvenue les potos, Guillaume Radio 2.0. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuque. Sors de la piste, fais le grand dégât de Vanda. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je suis en feu. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Je suis en feu. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarde. Je suis chaud, je suis chaud. suis en feu, je suis en feu. Nouvelle saison, nouveaux horaires. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. On se calera toutes les nouveautés, hein, tout ce que vous avez envie de vous faire. Joule et Gims, j'ai vu la demande. Je suis le seul. Je cale après, pas de problème. Si un autre morceau là, vous me dites. Hein, direct. On essaie de se le caler dans les quelques secondes après. J'ai trop bu, je fais ma soirée. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers. On s'écoutera en entier. Je suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du du du li les yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. On va s'écouter en entier, il déchire ce morceau. Pas de problème. Alors ma jolie, on a le cœur démoli, on est dans sa folie, folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis, toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a le cœur démoli. On va retrouver alors tous vos messages. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une galère pendant un rendez-vous amour? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner rendez-vous à une meuf? Pareil, Guillaume, appelle-moi, y a pas de souci, c'est vrai, votre émission elle tue, je me confesse. Ras le cul de la pression, ta fuck, lol. Salut Zaïna, salut Zaïna. Salut. Salut ma chérie, c'est la confession ici. Puisque le concert de 21 Pilot est sponsorisé par Energy, enfin je crois, est-ce possible d'avoir l'album Blurry Face avec leur autographe? Salut à toi. Bah oui, avec leur autographe, moi je les connais pas, je connais pas de star, mais avec plaisir. J'ai vu JM dans la rue Tubano à Marseille, il est en mini-jupe. Salut Greg, il est 13. Et bah, je lui transmettrai. Avec plaisir. Voilà, c'est top le parfum Adagio, me fait penser à mon premier mec, alors que ça fait au moins 20 ans. Salut Zaïna. Là. Bisous. Et bah, merci beaucoup pour toutes les dédicaces qui arrivent là. JM, il prend cher, je l'aime. Salut Thomas Lossec aussi. Salut à Julien, demande-lui s'il connaît le clitoris. Bah oui, il connaît le clitoris. Forcément, c'est sur une femme, oui. Julien Stagiaire aime le camping, il fait l'attente. Salut non, Greg du 13. Non, je peux bien dire ça. Bonsoir à la 4ème verte de Toulon aussi. Alric du 83, il y a beaucoup de petites dédicaces. Hein. Vous me rendez le sourire et tout, c'est gentil les mecs. Hein. Guillaume, et votre message là aussi, 112. JM du Standard qui a fait une blague devant un bar avec des supporters marseillais, parisiens, pardon, ouais. Mais ce que lui est supporter marseillais. Avec son accent en plus. Bon, ça c'est classique, mais ce qui est marrant c'est qu'il apprend le mégaphone devant le stade. Ouais. Apparemment elle est assez violente la blague. Il m'a dit j'ai trouvé une blague sur des supporters de foot et tu peux être l'équipe que tu veux après. Et si les mecs sont bourrés. Je t'ai rencontré, on s'en fout, c'est pas nous, il est au téléphone. On verra tout à l'heure. Hein. Stagiaire, est-ce que t'as déjà eu, tu disais, un rendez-vous qui s'est un peu mal passé quoi. Ouais, plein de fois. Il y avait une fille, c'était un premier encart, elle m'a fait chier, elle me calculait pas. Ouais. Et je lui ai dit viens, on va ailleurs. Et en partant du bar, en allant dans le métro pour rejoindre un autre bar, je me suis barré en fait. Ah pourquoi ? Elle me saoulait. Ouais. Ah c'est vrai ? Ouais, j'ai pas dit au revoir, j'ai parti comme un voleur. Ah bon ? Elle m'envoie un message genre t'es sérieux ? Je dis ouais, tous les deux c'est pas possible, désolé, bonne soirée. Ah ouais. Oh, je suis parti comme un lâche. Hein, mais t'as pas réécrit après, non, juste un t'es sérieux. J'ai dit bah ouais, je suis sérieux, désolé, on a rien à faire ensemble. Elle était pas jolie ? Bah ça allait, mais elle était ennuyante en fait. Elle était chiante, elle parlait que de sa vie, elle m'écoutait pas, donc. Elle avait rien à dire quoi. Malheureusement non. Alors que toi tu voulais parler de. Bah non, parler un peu de la vie en général, tu vois, boire des verres. Tu parles de quoi ? C'est-à-dire quand t'arrives une meuf comme ça. Je m'intéresse à ton premier rendez-vous. De sa vie, je parle de ma vie à moi, de mon métier, de mes loisirs. Ouais. Et puis de ma famille, je montre des photos. Direct, je montre des photos de ma nièce, de mes nièces, elles aiment bien les enfants. Oh, les... Le mec, il est lourd. Non, mais elles aiment bien sa vie et tout. Non, mais j'ai remarqué que les. C'est genre de mec, quand il y aura un gosse, il dira hé, je te la passe, vas-y, parle, je te le passe. Mais... Hein, tu lui parles. Elles aiment bien les enfants, les filles. Ma soeur, quand elle a un enfant, moi, elle me passait tout le temps. Bah, tu vois. Je comprenais rien au début. Quand elle était bébé, elle me dit vas-y, et le laisser répondre, ça, c'est énervant. Bah, il va dire quoi ? Moi, j'ai pas beaucoup de temps, à chaque fois, je l'appelle 3 minutes et t'entends hein ? Et elle fait dis bonjour. C'est qui ? Elle, c'est... Oh là là, elle veut te faire plaisir. Non, mais c'est plus le parent qui ça fait plaisir. Mais en vrai, voilà. Il est un peu gaga. C'est bon, t'es allé à l'école. Ouais. Ah ouais, on sait pas quoi dire. T'as mangé bien. Et du coup, tu dis bon, peut-être qu'elle m'entend derrière, donc je vais être sympa. Elle est hein. Polie quoi. Sinon, tu dis bâtard, va raccrocher. C'est ta mère. C'est le taré. J'ai trompé ma meuf avec Julien Stagiaire, moi. Quoi ? Je rêve de faire de la radio avec vous depuis longtemps. Je vous écoute tous les soirs avec mon meilleur ami. Salut Bastos du 7-3. Salut mec. T'embrasse, man. Le rire de Flo des cadeaux est contagieux. Ah, merci. Casa Thomas, bonsoir à La Rochepeau dans le 21. Salut Céline. Voilà, vos dédicaces, n'hésitez pas, hein, les mecs, on les lit avec plaisir, sans problème. Ça fait plaisir. Salut Guillaume. Bonsoir à l'équipe. J'ai fait une dédicace à tous les collègues, à notre patronne Jiménez, la meilleure boîte de transport de France, signée le Glaude dans le 59. PS, regarde sur le site Jiménez, FVA, tu comprendras. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur ce site? Je veux bien aller voir, les mecs. On y va là. Ouais. Est-ce qu'il y a votre patronne, elle est particulièrement intéressante ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Genre, elle est jolie. Coucou la biche de Sevran, salut Sevran. À Sevran, salut les gars. Flo des cadeaux. Alors, ouais. Après, on prend tous vos messages. Là, le temps de vous mettre au standard, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Guillaume, par texto, avec votre numéro de téléphone, si vous voulez passer une minute avec nous, on va rigoler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pareil, hein, comme Adam, d'aller à un rendez-vous Tinder qui se passe mal, ou un rendez-vous en général avec une meuf du bahut, vous avez un peu dragué, ou un mec du bahut, et que ça se passe hyper mal? Guillaume, et votre message avec donc votre numéro de téléphone surtout. Je vous appelle vraiment immédiatement. Là, je vous jure, celui qui m'envoie son numéro de téléphone pour passer, je l'appelle direct. C'est un vrai truc. Un Flo des cadeaux, t'es témoin. Hein. Oui. On appelle direct. Flo des cadeaux, le temps qu'on appelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pareil d'avoir une histoire avec une meuf à un rendez-vous qui se passe mal? Moi, c'était pas un rendez-vous Tinder, c'était un rendez-vous normal. Et en fait, je savais pas trop quoi dire à la meuf. Donc j'avais une de mes potes que j'avais en texto et en fait, je lui envoyais en direct ce qu'on était en train de se dire. Et elle me disait quoi lui raconter en gros. Oh là là. Et bah, c'est nul. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est une souffleuse. C'était une sorte de prompteur. Quoi. Exactement. Ouais. De prompteur à rendez-vous. Et non, mais ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé. Tu la kennes ? Non, mais à la fin de la soirée, elle a fini complètement bourrée. Et moi, pas. Et donc, du coup, j'ai dû la ramener. Et elle était complètement torchée toute seule. Mais tu n'as pas eu. T'as rien fait, quoi. Non, j'ai rien fait. T'as jamais eu de relation avec elle après même ? Si, après, on est sortis ensemble. Mais sur le coup, non, le soir, j'allais pas abuser d'elle. Elle était complètement défoncée. Ouais, t'as pas. Non. Ouais. Salut Guillaume, comme l'équipe, toujours une joie de vous retrouver, Nadège du 83. Salut, vous pourrez mettre la chanson de Boosty Popcorn. Ah, y a pas de problème, on va se mettre Popcorn. Elle est bien, ouais. La petite chanson de Boubous là. Je rêve de faire de la radio. Moi, je m'appelle Gaspard et ma meuf m'a trompé avec Bruno le Portugais. Non, mais alors, y en a un qui Gaspard. Démonte le mec. L'acharnement. Laissez-moi vos numéros, on parle des rendez-vous maintenant. Guillaume et votre texto, venez apporter votre couille à l'édifice parce que c'est bien beau de lire des messages, c'est bien beau d'écouter l'émission, mais de temps en temps, faut être un petit peu actif parce qu'être que passif, ça fait mal au cul au bout d'un moment. Donc, vous passez deux minutes et vous venez raconter une petite histoire avec une meuf qui vous est arrivée. Guillaume, et votre message au 612. JM du Standard, est-ce que t'es arrivé, JM du Standard? Ouais, Guillaume, je suis arrivé, ouais. Ah, alors vas-y, explique-nous un petit peu où tu es, tout ça, là. Il n'a pas l'air serein, quand même. Donc, ouais, là, je vais pas parler trop fort, Guillaume, je te jure, c'est un peu chaud. Il y a l'air d'avoir beaucoup de supporters, et il y a 20 personnes sur la terrasse. Il y a 20 personnes sur la terrasse? Putain. Ouais, donc 3-4 mecs assez costauds, quoi. Très bien. Ah, il a peur. Très bien. 3-4 mecs. Je te garantis que je suis prêt à courir, mais vraiment. C'est vrai? Ah, c'est le foot après. Je te jure. Mais tu sens pas que. Non, mais tu vas avoir des emmerdes. Hein. Ouais, je sens. Et franchement, non, je vais vous dire un truc. Il y a des fois, j'ai l'impression que. Oh là là, vous êtes nombreux à nous envoyer des numéros. Ouais. Hein. Voilà, Guillaume et votre numéro direct. Hein. Et vous faites pas chier à expliquer l'histoire. Guillaume et votre numéro au 612. Je vous appelle direct et vous venez nous raconter le. Si vous avez fait un rendez-vous pourri, vous les filles. Vous venez nous raconter avec des mecs relous et tout. Là, on se raconte un peu nos histoires, ou les mecs, ou les filles aussi. JM du Standard, j'envoie. Ouais, 1 minute 20 de pub et ensuite tu fais ta blague avec le haut-parleur. Moi j'ai peur pour toi, mec. T'as un haut-parleur, tu t'es mis devant un bar de supporters parisiens juste en face, hein, je vous explique, il est porte de Saint-Cloud, ouais. À l'Indiana. Il y a un restaurant qui s'appelle Indiana. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, s'il y a des voitures qui passent sur le port de Saint-Cloud, là, quand vous allez passer au rond-point, ouais, vous pouvez le klaxonner. JM du Standard, c'est un Arménien avec un grand nez. Un accent de Marseille. C'est comme ça qu'il se décrit. C'est comme ça qu'il se décrit. Un petit bras, donc vous allez pouvoir le voir, il a un petit sac à dos. Non, t'as un petit sac à dos ou pas là? Non, j'ai juste un mégaphone dans les mains. Donc t'es cramé, ouais. C'est grillé. Ah, ouais. Bon. Ah là là, il y a plein de supporters, Guillaume. En plus, le match va finir. Alors, je ne promets pas. Le grand soir. À manger et à boire pour tout le monde. Mais, je ne promets pas un iPhone 7 au premier qui arrivera à arracher le mégaphone dans la. À mon avis. Là, parce que là, sinon, ça va partir en couille et c'est pas possible. Et s'il y en a qui passent à la porte de Saint-Cloud, vous klaxonnez JM. Allez-y, hein, ça va être marrant. Ça. S'il y a des mecs qui écoutent et tout. Je viens d'entendre qu'une moto depuis 10 minutes alors, parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe. On envoie 30 secondes de pub. On se retrouve juste après, JM du Standard. Ok, allez, à tout de suite. Vous bougez pas, les potes. Vous avez découvert 21 Pilots et Nash en écoutant Énergie. Grâce à eux, vous gagnez le nouvel iPhone 7. En place pour voir 21 Pilots au Zénith de Paris et le jeu FIFA 17 sur PS4. Dès que vous entendez le double hit avec 21 Pilots et Nash à la suite, hey, I'm Nash. Soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Gagnez votre jeu FIFA 17, l'iPhone 7 ou le concert de 21 Pilots le 17 novembre au Zénith de Paris. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ. Julien Télouk. C'est un truc de fou! J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouine. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais il me décalait ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi. 99€ par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99€ par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiac jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Quel est l'impact du Brexit sur l'économie européenne? Trouvera-t-on un jour de la vie ailleurs que sur Terre? Comment une vidéo de chat peut-elle être vue 227 millions de fois? L'actualité soulève beaucoup de questions, mais il y en a une que nous nous posons sans cesse, et vous, dans tout ça? Le Parisien, tout vous concerne. Le Parisien, aujourd'hui en France, nouvelle formule. Le 19 octobre, retrouvez Énergie au Parc Astérix. Gagnez des places VIP pour assister à l'émission de Coé en direct du Parc Astérix avec Énergie. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie. Chaque soir, l'équipe de Coé devra affronter les défis de la peur. Si le défi est réussi, faut vivre l'expérience inoubliable de Peur sur le Parc le 19 octobre. Énergie, it's music only. Et si payer avec mon mobile me rapportait? Moi, avec Orange Cash, je peux payer avec mon téléphone. Bah moi, avec Orange Cash, en plus, j'ai plein de bons plans chez les commerçants. Et bah nickel, tu vas pouvoir m'inviter à manger, j'ai plus de batterie. T'inquiète, j'ai mon chargeur. Orange Cash, le geste mobile pour payer malin. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions réservée aux abonnés Orange Mobile en France métropolitaine, détenteurs d'équipements compatibles. Compte de monnaie électronique géré par Wirecard Card Solutions Limited, autorisé par la Financial Conduct Authority sous le numéro 900-051 sous licence Visa Europe. Info sur orangecash.fr. Vos stars énergie préférées sont toujours sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite redémarre. Il sera à Marseille le 29 septembre. Sur scène. Tal. C'est les frérots de la Vega. Alonso. Stéphane Sam. Amir. Sao. Willy Williams. C'est Boosty. Carlos Dream. Evangeline. Et Black Air. Le Energy Music Tour le 29 septembre. Pour la foire internationale de Marseille. Au Parc Salon. Un événement Energy. Hit Music Only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Le début, c'est 22h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, dans 30 secondes, on va retrouver JM du Standard en direct du Parc des Princes. Il est juste en face et il y a beaucoup de supporters parisiens. Il veut faire une blague sur les supporters parisiens avec un mégaphone. Bah, il veut, on lui a tous dit que c'était une mauvaise idée. Bah, il veut le faire. Et on va le retrouver dans deux minutes. Il y avait aussi au Standard. On va retrouver. Alors, vous êtes nombreux à nous appeler pour raconter. Rendez-vous. Alors, il y en a un qui dit rendez-vous Lovou au top. Bonsoir, Clément d'Avranches. Allô, papa. Salut. Enchanté. Ça va quoi, tranquille. Enchanté. Merci de passer un petit coup de fil en tout cas, mon Clément. Bah de rien. J'ai dit je vais tenter ma chance. Mais t'es pas déjà passé toi, Clément? Non, jamais. Si, je suis déjà passé. T'étais passé quand? Oh, ça fait 2 ans, je crois. Ah, c'est deux, ça. Trois ans. Putain, je me rappelle d'un Clément d'Avranches, parce que je connais très bien Avranches, et ça me disait quelque chose. En Normandie. Voilà, c'est pour ça. Écoute, quand tu passes, tu peux t'arrêter. Hein. Moi, je vais régulièrement à Port-Bail dans la Manche, un peu plus loin. D'accord. Et voilà, je connais très bien 40 ans. Mont-Saint-Michel, c'est mon terre-terre. Un peu plus haut. 40 ans, Coutances, Saint-Lô, tout ça, c'est mon terre-terre. Ah, bah, c'est pas loin. Bah, exactement, c'est pour ça. Bah, avec plaisir, Clément. Vous êtes voisins. Non, on est voisins. Non, mais quand je vais en vacances, quoi. Grave, c'est trop beau comme région, le 50, là. Ouais, c'est sympa, la côte. La basse Normandie, quoi. La basse Nord, quoi. Voilà. Comme on dit, là-bas. Bah, à la base, je suis breton, donc le breton normand, c'est un peu la guerre, mais. Ouais, bah, si je vais te dire un truc, moi, je kiffe la Bretagne pour de vrai. Et je trouve ça magnifique comme région, et je kiffe la Normandie aussi. Puis j'en ai rien à branler que. Ouais, il y a des non, mais c'est vrai. En fait, moi j'ai rien à branler, ça s'embrouille. Non, mais c'est comme quand t'as tes parents qui s'engueulent, bah tu prends pas position. Toi, ouais, c'est 50-50, chacun sa merde. C'est quoi, t'as dit 50-50, chacun sa merde. Voilà, Exactement. Bon, avant que JM du Standard se fasse démonter par les supporters du PSG devant le Parc des Princes, il va se faire prendre par le nez, il y en a un qui dit. Ah bah là, JM du Standard va se faire enlevrette. Voilà. Il va se faire démonter. Il est en train de préparer sa sortie, je vous explique. Hein. Faut qu'il court vite. Hein. Voilà, il est en train de demander à des mecs s'ils peuvent l'emmener en moto vite après la blague. Il flippe à mort, je peux vous dire. Le match est fini. Je vous ai découvert au tout début de votre émission lors du pire rendez-vous que j'ai pu avoir avec une meuf rencontre en boîte, appelle-moi. Eh ben, je vais t'appeler avec plaisir. On se raconte un peu nos histoires. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Clément? Alors, on se raconte un peu les pires rendez-vous, là. Bah, comme tout le monde, un petit peu rendez-vous lovou et tout. Ouais. Donc, on chatte un peu par message et tout. Puis, le mieux, c'est de se voir. Donc, bah, rendez-vous autour d'un verre et tout. Donc, on discute, on boit un verre, deux verres, trois verres. On va marcher en ville, on est juste à côté d'Avranches, à Villedieu, je ne sais pas si tu connais. Ouais, dédicace en tout cas à tout le monde, ouais. Et puis, on marche, et à la base, on devait juste se voir pour une demi-heure, une heure, parce qu'elle était pressée, ça faisait déjà, quand on avait bu les plusieurs verres, ça faisait bien deux heures qu'on était ensemble, donc je me suis dit, ça sent plutôt bon pour toi, Clément, donc continuez. Ouais. Et puis, tu on te parles comme ça tout seul aussi quand tu es vraiment... Ouais, on ira bien manger un truc au resto et tout, donc pas de problème et tout, on continue le resto, et puis après le resto, je la raccompagne à sa voiture. Ouais. Et là, gros coup de bol, il se met à pleuvoir à mort, comme partout en Normandie. Et du coup, on se ramasse dans les voitures, et puis là, c'est parti un peu en couille, c'est le cas de le dire, donc le rendez-vous au top, quoi. C'est vrai, dans la voiture, t'as niqué la voiture, c'est vrai? Voilà. Premier soir et tout, sans trop forcer, on a commencé par s'embrasser, se rapprocher et tout. Il faisait froid, donc vas-y, colle-toi contre moi et tout, machin. Et puis c'est parti. Énorme, bravo. Le rendez-vous de l'eau, elle était jolie la fille ou c'était... Ah ouais, en plus trop canon. Et pourquoi tu l'as pas revue? Ah ben on s'est revus, on est sortis deux mois ensemble après. Ouais. Et puis ça c'est fini, lassitude un petit peu de son côté, moi ça allait, mais bon après voilà. Ah c'est elle qui t'a dit, c'est elle qui a stoppé quoi. Ouais. Et pourquoi c'est lassé, qu'est-ce qui lui allait pas dans notre relation? Au début, vu qu'on ça a été assez vite, c'était le cas de le dire, donc on se connaissait pas spécialement en détail, et après c'est lassé, et puis... les sentiments n'arrivaient pas et tout, enfin le tralala d'une gonzesse. Ouais, compliqué. Non, c'était juste une manière polie de dire que ça le faisait pas, voilà, bon. Voilà, c'est pas grave, hein, ça le fera avec une autre, du coup, voilà, tranquille, hein, et puis comme ça au moins t'en as profité un petit peu, elle aussi, puis vous avez fait ce que vous aviez à faire. Ouais. Hein. Et au pieu, elle était bonne ou pas? C'était la meilleure. C'est vrai? Ah là, fallait la garder. Ah, putain. J'aurais bien, mais je peux pas l'attaquer. Relance-la, mec. Bah, exactement, voilà, il a pas compris ça, juste. Non, mais un petit SMS comme ça. Parce que lui, il utilise toujours la force pour garder les meufs. Ah non, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Toujours la meuf, le bondage. La drogue. Ah, pas la drogue, non. Il les. Une petite soirée comme ça. Il les emprisonne. Il s'est fait une cellule. Dans son balcon. J'ai pas de balcon. Une cage? Non, on les drogue pas, on les attache. Juste à dire. Non, mais attaché, moi j'aime bien pour un jeu sexuel après. Ouais, si elle est d'accord, la fille. Juste à dire, lui, ils sont pas d'accord. Non, bah pourquoi? Mais enfin, ça sera du débat qu'on aura un soir, voilà. Ouais, enfin, si tu veux l'avoir, juste déjà nous racontera sa vie. Avec plaisir, mais. Sa vie au quotidien. Les chaînes qu'il y a chez lui. Il n'y a pas de chaînes. C'est pas un donjon. Les cagoules en cuir. Ouais, de masquer les cris des filles qui ramènent. C'est glauque. Les organes découpés qu'il y a dans la baignoire. Je suis pas un meurtrier. Salut Guillaume, salut, je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Déjà, ma copine s'est fait voler son iPhone 6 rose. Je suis prêt à n'importe quel jeu pour lui en regagner un. On offre l'iPhone 6-7. L'iPhone 7, pardon. Ouais. L'iPhone 6-7, ça veut rien dire. C'est entre les deux. L'iPhone 6-7, c'est entre les deux, le 6 et le 7. Ça va, Guigui de la régie au fond? Ouais, ça va, nickel. On l'entend arriver dans le studio celui-là. Hein. Il est là. Tu t'es coupé les cheveux, on dirait Drake, hein, le mec. Ouais, c'est une cheveux de Latino. Ouais. Tu laisses ta barbe là? Ouais, je sens un peu. T'as pas envie de tout couper pour voir ce que ça ferait, non? Bah, si, mais j'ai déjà fait, mais j'ai vraiment une tête d'enfant après. Ah, c'est vrai, ouais, c'est horrible. Ouais, mais je le ferai dans un mois ou deux. Ouais, t'as un petit visage un peu rond, quoi, avec des petites joues, quoi. C'est vrai, après. Il l'avait fait il y a pas longtemps. Et parce que tu devrais faire, il faudrait que tu te laisses pousser de la hauteur, mais pas sur les côtés. Et après, comme ça équilibre le visage. Beaucoup, hein. Je suis un peu visagiste. Salut Guillaume, très très longue histoire, mais très très drôle. Appelle-moi, je vais vous raconter. Et il n'y a pas de problème, les mecs. Hein. Guillaume et votre texto, là aussi, 112. Comme Clément d'Avranches, là, qui a eu son petit rendez-vous, il a ken dans la voiture. Il y a Rémi qui a découvert l'émission pendant un mauvais rendez-vous aussi. Aïe. C'était de la merde. Tu m'entends, Rémi de Uriage-les-Bains dans le 3-8, dans l'Isère? Ouais, incroyable. Ouais, je t'entends. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Salut. Oh Nico, 16 ans de Liévin, tu bouges pas aussi dans le nord, poteau. Hein. Tu m'entends, Nico? Ah, l'eau. Bah oui, le début. Le début, c'est 22h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio 2.0. Putain, j'ai perdu. Oh là là, j'avais trouvé Claude François tout à l'heure dans des ingénieurs de morceaux, je l'ai perdu. Là. J'étais tellement content, je voulais vous le mettre en plus. Ouais. Non, bah, j'ai envie de faire de la merde là. De temps en temps, t'as pas envie de faire de la merde au boulot ou chez toi, Rémi là. J'entends le loup et le renard chanter, en disant je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la boulette. J'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le chien se faire défoncer. Je suis malade. Attends, il y a quelque chose. Ah non, ça c'est le nouveau. Putain, alors, j'ai même pas Clo-Clo à l'horizon, quoi. Même pas un morceau de Pokora, les nouveaux. Non. Ça non plus, non, non. On l'a plus, Guigui de la régie, Clo-Clo, là. Si, si, si. Attends, si, oui. L'Adio Soleil. Putain, mais ouais, putain, c'est marrant, ces merdes, là. Tu veux que j'essaie de te le retrouver? Mais fais une phrase. Essaye de faire une phrase, c'est une phrase. C'est cadeau, ça. J'adore un peu courant. Faut s'entraîner si un jour vous avez un mariage avec un tonton ringard ou quoi. Ah, si bah là. C'est horrible, alors en tête. Ah ouais. Ah, je vous fais pas un cadeau de le mettre là parce que après. Regarde, ça reste en tête. Attends. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vivre pour moi, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Attends. Où t'es, papa, où t'es? Non. Je suis Issa Jésus. Bonsoir. Je suis Issa Jésus. Et je suis avec Boubou. Boubou qu'on appelle aussi le marabout. Oui, bonsoir. Je suis Boubou le marabout. Enchanté, présentement à la radio. C'est Boubou le boubou. C'est Boubou. C'est Boubou le marabout. Habillé en boubou à Boulogne-Billancourt. Tout à fait. Il a un gros bobo sur la bibite. J'ai une verrue plantaire. Il a une verrue plantaire sur la boule. Boubou le marabout. Tout à fait. Et vous avez une solution pour enlever cette petite verrue? Il faut que j'aille voir une femme connue. J'ai le verbe de Fontenay que je mette mon sexe à l'intérieur de cette femme. Non, c'est bon, trop loin. Tu veux une pièce, Ziggy Largie? Bah oui. Ah, excuse-moi, Rémi, parfois, ça fait du bien. Ouais, ça soulage. Vous partez tout le temps en couille, ça fait toujours plaisir de vous entendre. Ah, c'est gentil, ah, merci beaucoup. Ouais, écoute, tous les soirs, dès que je peux, je mets la radio, je vous écoute et je me bats avec ma meuf pour pouvoir vous écouter. Si elle me dit, tu te bats, c'est vrai, c'est trop. Alors, sympa. Coup, moi, je leur dis, Ouais, moi je lui dis, mais non, mais vas-y, c'est marrant, c'est des cons, mais au moins on rigole et tout. Merci, sympa. Ah, c'est ça. C'est des cons. Ouais, c'est marrant, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non mais vous êtes énorme, t'as raison, t'as très bien décrit, on va pas se prendre la tête, hein, on va pas. Tu sais, je vais te dire un truc, on essaie de faire l'émission qui nous ferait le plus marrer nous, et on essaie de se marrer le plus avec vous le soir, et voilà, on se dit pas tic tac tac quoi, voilà. Donc tous les soirs, je suis mort de rire à chaque fois que je vous écoute. C'est vrai. De malade. Ouais, non, vraiment. Ouais. Ah, c'est, il y a vraiment. Ah, c'est sympa ça. Je rigole tellement en vous écoutant que j'ai l'impression d'être avec vous. Je vous adore. Bah, tu es avec nous. Salut Salomé. Salut. C'est quoi ce bordel, cette émission? Ah, vous êtes énorme. Allumez la radio autant que Clo-Clo et Camaro, n'importe quoi. Mais c'est vrai, non, doing my thing. Since I left, ain't too much change. C'est que je suis chambre pour le guetté. Viens me faire un tour à l'envie. T'as ses presse-toi dans la ville. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Puis c'est le vent souffle. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette dans les prisons de Nantes. J'arrête, je m'enflamme. Bon, mon petit Mimi, mon petit Rémi, et c'est un coup de la pièce, Guillaume Menuis son compte grâce à vous. Ah, c'est rien. J'ai un stagiaire, ouais. Pour toi aussi. Ah, merci. C'est gentil. Ça, tu veux un café, j'ai un stagiaire. Le grand seigneur. Wow. Ah, Noël, qui veut des pièces? J'ai l'impression que je joue à Sonic. C'est quand tu accélères. C'est Mario, c'est exactement ça, mais ça marche aussi dans Sonic quand tu prends une pièce. Et oui. Guigui de la Régie, toi, qui est un petit peu connaisseur. Hein. Ouais, on peut dire. Je vous adore, je rigole trop, je change rien, vous me rendez ce sourire. Salut Max, merci mon Max. Hein, merci, salut Max. Salut Cédric Dudis. Bon alors, Rémi, reste avec nous deux secondes. JM du Standard va balancer une blague apparemment devant des supporters. Il y en a toujours des supporters, JM du Standard? Ah ouais, il y en a de plus en plus. Ah oui, il n'y a plus de match. Ah bah oui, il est fini. 3-0 pour le PSG. 3-0. Avec des buts de qui? De Cavani Lucas, c'est un mec de Dijon contre son camp. Très bien. Alors, JM du Standard. Ouais, on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est ça. Et c'est les standardistes qu'on entend le moins bien au téléphone. Mais on est d'accord, non? Bah oui, il y a toujours un problème. Franchement, t'es le plus mauvais auditeur qu'on ait eu cette fois. Ah merde, mais attends, t'es aux toilettes ou quoi? Non, mais c'est. Bah non, je suis. Et franchement, je sais pas, change tout ce que tu veux, mais ça serait bien qu'on t'entende, mon gars. Alors, un autre téléphone, Pierre. Bouge pas, je prends un petit Malibran, bouge pas, deux secondes. Ah ouais, salut, ah ouais. On a plus l'impression d'être sur énergie là. Ils sont où, ils calme ton sexe, Denis, tranquille, deux secondes. C'était juste un extrait, tranquille. Ils sont là, ton été nous. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a, JM du Sard, tu as une pièce? Tiens, un café. Alors. Une story de fou, mais j'avoue que moi je l'aime pas dans la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole. Ah, prends-en dans ta gueule du nouveau. Fada celui-là. Des chiens à l'équipe. Salut Cédric du 35. Qu'est-ce que je vous aime? On dirait une soirée entre potes. Bah, c'est ça, mon gars. C'est on ça. On est en soirée. Là, ami, hein. Je reviens sur une radio après une longue pause et je suis mort de rire. C'est quoi les raisons de ta pause, mon Alex là? Ça me plaît pas du tout, ça. J'adore les couscous musicaux. Merci beaucoup. Tu vas à contre-courant, mon Alex? T'as fait une pause de l'émission? T'as fait un break? Ça fait style. J'aime pas ce qui se passe en ce moment. Ça marche trop fort. On arrête. Bon, JM du Standard, t'es prête? Ouais, Guillaume, est-ce que c'est bon? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. J'ai vraiment l'impression. Il tremble de la voix. Mais c'est... T'as peur un petit peu? T'es stressé ou quoi? Il va faire un malaise, c'est sûr. Ouais, je te jure, ouais. Je m'imagine. Si quelqu'un, un Parisien, faisait une blague comme ça à Marseille, ça se passerait peut-être pas bien. Donc, Ah, c'est vrai? En plus, t'as l'accent de ouf. Mais pourquoi ta blague, elle est vraiment violente? Bah, elle est pas violente, mais voilà, c'est pas une blague que tu fais à la sortie d'un match. Encore heureusement, ils ont gagné parce qu'ils avaient perdu, ça aurait été. Et c'est quoi ton plan de sortie? Il y a des flics pas trop loin au cas où ça pète? Non, il y en a pas. Ouais. Si, il y a des flics. Je cours vite, moi, Guillaume. Ouais, mais attention, après, pas de faire un chien non plus. Hein. Mais le caméraman, il a rien dit, lui. Ça prend une vidéo. Il remballe sa caméra et puis il s'en va, lui. Il va se faire défoncer la gueule devant le Parc des Princes. Et, moi, et en ton hommage, je passerai à la radio. Il est où le bonheur? Prends le truc, prends des coups de savate dans la gueule. Prends des coups d'Air Max dans le nez. Il est où le bonheur? Il est où? Nous, on sera dans le studio tranquille. Au chaud. Il est là. Là, c'est pas mal, il n'y a pas trop de partage. Donc, il est où? T'es en train de me donner des ordres ou quoi? J'ai mis ça. Voilà, mais bien, mais c'est. C'est que ça fait une demi-heure, je suis devant, les gens me regardent bizarrement, ils ne savent pas ce que je vais faire, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est en plan Vigipirate, on rappelle. On peut attendre encore un peu. Ouais, c'est vrai. On peut attendre encore un peu. Il n'y a pas de souci. Vas-y, il n'y a pas de problème. On peut même appeler la police pour dire qu'il y a un mec bizarre. Surtout pas faire. Avec un mégaphone. Le mégaphone est bizarre, il y a deux films. Non, surtout pas faire, les copinous, là. Je suis pas content du tout. Apparemment, c'est deux mecs de 16 balais qui ont appelé. Samedi, il y avait une prise d'otage en Israël. C'est vraiment le truc le plus bête que vous puissiez faire. Mais ils ont été arrêtés. Déjà, heureusement qu'ils sont là, donc faites attention, les gars. Surtout pas déranger les forces de l'ordre et surtout pas les pompiers et tout, parce que les mecs. Les fausses alertes. Les pompiers, les flics, tout ça, on a besoin. Donc quand vous les appelez, bah, ça les fait passer du temps sur autre chose, quoi. C'est qui arrête pas de faire chez Gaspard, le pauvre Kikou, salut à toi. Ça fait deux fois en un mois que ma meuf fait une pause. Ah, c'est pas normal. Non, c'est pas bon signe, ça. Ouais, ça, c'est chaud. Guillaume, si tu nous faisais jouir autant que tu nous fais rire, ça serait parfait. Manon du 88. Viens en studio, Manon. Salut, Manon. Bon, alors, JM du standard, t'es prêt? Ouais, bah je suis prêt, écoute. Est-ce que vous pouvez essayer de t'entendre correctement juste une phrase? Je bouge pas, Guillaume, je suis avec les oreillettes. Vas-y. Et, t'as mis les écouteurs. Oui, c'est pour ça. Oui. Ah, bah oui, obligé, je peux pas tenir le mégaphone. T'as deux mains normalement. J'ai envie de dire, t'aurais pas. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois. Faut que j'appuie dessus. Ah bon, mais en plus, t'aurais pu demander à quelqu'un. Je sais que t'as trois assistants là-bas. Ah, il allait en Égypte là-bas. C'est JM du standard. Maintenant, c'est le mec, c'est l'univers. C'est la Fox, quoi, le mec. C'est la Fox. Quand il se déplace, faut qu'il ait 15 assistants. Quoi. Avec sa fourrure là. Mec, il va avoir une loge et tout quand il va faire une blague quelque part, quoi. Bon, t'es prêt ou pas? Vas-y, mec. Moi, je suis prêt. Eh ben, vas-y, fais-toi défoncer la gueule, mon gars. On t'écoute. Non, j'espère pas. Je rigole. Allez, on t'écoute. Fais une bonne vanne sur les supporters parisiens devant devant le Parc des Princes. Ouais, on t'écoute. Je vais prévenir les gens qu'on est sur énergie, tout ça. Comme tu veux. Ça y est, il commence. Il a peur. Il commence à avoir. Ouais, mais c'est vrai. Mais ils s'en foutent d'énergie ou pas. Attends, voilà, le truc, c'est qu'on est en direct à la radio sur énergie. Je dois juste faire une petite blague. Donc voilà. Alors, je vous explique. C'est trois supporters. Il y a un supporter lançois, un supporter marseillais, un supporter parisien qui sont dans un bus. Donc le bus il s'arrête, d'un coup il voit une fille évanouie, allongée par terre. Donc les trois supporters ils descendent et en fait le premier supporter lançois il prend son bonnet et il arrive, il pose le bonnet sur le sein gauche. Le supporter marseillais il arrive, il pose son bonnet sur le sein droit. Le supporter parisien il arrive, il pose son bonnet sur le sein de la femme. Donc après il y a un médecin du SAMU qui arrive et d'un coup le médecin du SAMU il arrive et il fait... Il regarde le premier, il lève le premier bonnet et là il voit le supporter lançois, il voit le petit téton de la femme. Deuxième, il arrive, il voit le petit téton. Ah ouais, mais Guillaume, tu peux pas continuer, ils s'en foutent. Continue. Ah non, Guillaume, tu peux pas. Continue. Le deuxième, il soulève le bonnet. Et c'est le bonnet marseillais, il y a un téton. Et le troisième, il arrive. Il ne laisse pas finir, Guillaume. Le troisième, c'est le supporter parisien, il a mis son bonnet. Et d'un coup, le médecin, il arrive. Mais non, deux secondes, le médecin, il arrive. Il soulève le bonnet. Et d'un coup, il regarde. Il resoulève. Et là, le supporter du Paris, il fait, mais attendez, c'est quoi ce délire? Vous êtes pervers. Et là, le mec, il fait, ben non, d'habitude, sous ses bonnets, il y a toujours des trous du cul. Oh ça va, y a plus de gêne sur la coupé. Bah attends. Attends, on va la rappeler. Ah mais je sais pas, c'est de me taille. Il est malade. On va la rappeler. Mais t'as entendu, elle veut fermer ta gueule, enculé, et vous là, avec un sac. Mais la chute, il est malade. Oulala. Mais tu sais, vous prenez le pari avec des trous du cul. Ah là, attends. Attends, vas-y. Et s'il y a la messagerie, c'est pas bon. Ah, ça sonne. Ah, c'est bon. Ouais, allô. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, j'ai tracé. Il y avait des mecs qui étaient un peu chauds pour de vrai. Ouais. Ouais, il y a un peu des mecs qui me suivent, je crois, en plus, là, je te jure. Non, c'est vrai? Ouais, ouais, regarde derrière, je demande au caméraman, il y a un mec qui m'a insulté de l'autre côté parce que j'ai crié, je te jure. C'est vrai? Ouais, ah, c'est de Marseille. Ah, ils aiment pas. Ah, ouais, c'est vraiment bien. Ah, tu viens les provoquer à domicile. Ils ont pas rigolé. J'arrive direct à la radio, elle me prend pas mal, mais je crois. Vas-y, vas-y, vous êtes complètement baisé, c'est pour ça qu'on vous kiffe. Salut Mika du 86. Salut les gars, allez, vas-y, reviens vite, JM Sanda. Vas-y, à tout de suite. Oh my god, quel monde, casse-toi vite, Zaina. C'est Jérôme de Corse, vous pouvez m'appeler, faut que tu laisses ton numéro, Jérôme. Mordant la blague, j'en peux plus tellement chéri, j'ai réveillé mon père car ma mère est en maison de repos. Gros bisous, le copine. Salut à toi. Salut. Ils nous l'ont tué, Zaina Mordant. Je pense qu'il a dû avoir trop peur. 20 sur 20. Ah, alors voilà. On postule où pour remplacer JM du standard? J'ai un juste prix à vous offrir, Flo, des cadeaux. On a plusieurs trucs à vous filer là. Alors il y a des PS4, des iPad Air 2, des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Exactement. J'ai besoin d'un chiffre là. Vous allez m'envoyer Guillaume et un chiffre. PS4, iPad Air 2 ou tablette Samsung Galaxy Tab A. Allez-y maintenant, Guillaume, donc, est la bonne réponse avec votre numéro au 612. Des PS4, des iPad Air 2. Attends, il n'y a plus la tablette, on l'a filée hier. Si, si, il en reste une. Ah, il y en avait deux? Ouais, ouais. Très bien. Et ben voilà. T'es sûr? Oui, certain. Ok. T'es certain? Ouais, je pas sûr. On la fera cadeau qu'on n'est plus. Ah, bah là, ouais. Non, non. Sinon, on va devoir rajouter deux semaines le temps de la commander dans, hein, sur le site de la Fnac, tout ça. Énorme, allez l'OM. Eh ben, allez l'OM, allez Paris, allez le foot. Ouais, allez le sport. PS4, iPad Air 2. Les mecs, si vous voulez gagner une PS4 tranquillement, et si vous voulez gagner un petit iPad Air 2 à la cool soir ou une tablette aussi, vous envoyez Guillaume et un chiffre avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Allez-y par message, je vais les lire. Le premier, c'est pas compliqué. Je le fais en direct. JM du standard n'est pas là, comme ça, ça va aller vite. Et non. Dans le studio. Je viens stagiaire, je vais te montrer le chiffre sur ma feuille, du coup, parce que JM du standard n'est pas là. Je prends un stylo. Voilà. Okay, Flo des cadeaux, tu regardes aussi. Julia aussi. C'est bon. C'est bon. Ouais. Quand tu me fais un signe de la main, on l'entend pas. Attends, elle a pas encore tous les réflexes, elle vient d'arriver, il y a que 6 mois. Donc, alors, on a un chiffre, le premier qui me le trouve, il y en a un qui me dit 85. Salut à toi, 06 40 24 17. Je vous jure que c'est en direct. Je vous jure que c'est à la seconde près. Je vous jure que les messages, dès qu'ils arrivent, on les lit. 85, c'est moins que 85. Bonne chance. Ça veut dire que déjà, vous envoyez un SMS, vous avez une chance sur 85 de gagner une PS4, un iPad Air 2 ou une tablette Samsung Galaxy Tab A. Est-ce que c'est, je lis les messages en direct, je vous jure, 56 06 40 60 68. C'est moins que 56. Ça va aller très vite les gars. Guillaume, et en plus en début de semaine, il y a plus de cadeaux parce qu'on a tous les cadeaux qu'on a reçus le week-end. Je pleure, tu as vu mon message, je t'aime fort, fort, fort, ça fait un an que je vous suis, mais j'ai pas pu vous voir en vrai. Et ben quand tu veux venir, avec plaisir ma chérie. Moins que 56 rapidement. Vous envoyez Guillaume et le bon chiffre que vous pensez avoir trouvé. Est-ce que ça serait 41? C'est moins que 41. Est-ce que ça serait 6? C'est plus que 6. Ah. On cherche un chiffre entre 6 et 41. Voilà, salut Ossine qui a proposé 6, là, 06 52 22 19. Voilà. Vous envoyez un petit texto, juste un petit putain de texto. Une chance sur même pas un peu plus que 30 là. 37, une chance sur 37 de gagner. Guillaume, au début de votre SMS, un espace, le chiffre que je cherche. Vous mettez bien votre numéro, surtout. Il y en a qui envoie 57 sans son numéro de téléphone. Et vous l'envoyez au 6 11 12. Guillaume, au début du texto, c'est obligé. Le chiffre que je cherche, votre numéro au 6 11 12. Est-ce que ça serait 22? C'est moins que 22. Oula, ça va aller vite, ça s'accélère les gars, ça s'accélère. Guillaume et le chiffre entre 6 et 22. Est-ce que ça serait 7, Guillaume? Non, c'est plus que 7 quand même. Hein. C'est moins que 22. Salut, voilà. Guillaume et le chiffre au 6 11 12. Est-ce que ça serait 17? Tu n'as pas laissé ton putain de numéro de téléphone. Ah, dommage. Bon bordel. Je vous dis de laisser les numéros et tu m'envoies ton numéro là. C'est important. Tu fais chier, mon gars. Mais tu s'énerves. Non, non, mais oubliez pas parce que si vous gagnez, ça me ferait chier de ne pas pouvoir vous appeler quoi. Guillaume et un chiffre entre 7 et 17. Guillaume et le chiffre au 612. 21 Pilots. Il y aura le double hit après avec des iPhone 7 demain. Il va tomber demain le double hit. On sait Raid. J'ai des FIFA 17 à vous filer demain aussi. Et là d'abord la PS4, l'iPad Air 2 et la tablette Samsung Galaxy Tab A. Un cadeau au choix tout à l'heure. Entre 7 et 17. Guillaume et le bon chiffre avec votre numéro. N'oubliez pas au 6 11 12 sur Énergie maintenant. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet.

money and you know what that means. That we can do anything, anything that you dream. I wanna make it ooh, ah, till you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. Find a G spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. When the light turn green, Lego. Give me what I ask for. I got a passport, Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, arena Venus, flow of genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out, rally stripes, 7500, vibe out. Nos cagoules, comment ne pas être un pitbull. Quand la vie est une chienne, bras levés, tête haute, j'y arrivais que je m'aurai au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Mon premier spliff, ma première bouteille. La richesse est dans nos cœurs, mon cul, moi je veux de l'oseille. Pour en obtenir, des fois c'est les cartons. Peu importe si la daronne veut faire le tour du monde. Petit la race humaine est méchante. Je suis venu, j'ai vu. Ça fait du bien un peu là. Bon, on va finir le juste prix, ça dure 30 secondes. Et ensuite Rémi va nous raconter les pires rendez-vous Tinder. On se raconte un peu les rendez-vous catastrophiques qu'on a fait avec les meufs et tout. On chercher un chiffre pour défiler des PS4 et des iPad Air 2 et des tablettes Samsung Galaxy Tab A. J'ai un chiffre sur ma feuille. On cherche un chiffre entre 7 et 17. Il y a le 15 qui est arrivé, c'était moins que le 15. Il y a le 13 qui est arrivé, c'était moins que le 13. Il y avait le 9 qui est arrivé, c'est moins que le 9. Et c'est le 10, le chiffre 10. Voilà. C'est énorme. Pas gros hein, comme chiffre. Bravo. On va prendre le logiciel. Le premier qui m'a envoyé 10 avec son numéro, sans faire de couilles, hein, sans oublier les trucs et tout. Eh ben, ça va sonner chez lui et c'est gagné pour lui. Pourquoi 10? C'est le nombre de Japonais qui restera dans 1000 ans si le taux de fécondité reste comme il est. Mais non, c'est dingue, hein, c'est fou hein, quand mais même. Mais non. Pas beaucoup. Hein, il faut leur dire ça du coup. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils niquent quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent des gosses. Ça niquer les Japonais. Attends, c'est parce qu'ils niquent plus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font pas assez d'enfants, paniquer. Mais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. D'ailleurs, la France aussi, je crois qu'on est à 1,77. Hein. Il y a l'État japonais qui met en place des trucs pour qu'ils aient plus d'enfants parce que ça commence à les inquiéter. Ah, c'était le point média. Ouais. Quand t'as le gouvernement qui commence à s'en inquiéter, c'est mauvais. Ouais, ils disent niquer. Ouais, c'est ça. Dieu vous le rendra. Niquer, Dieu vous le rendra. Qu'est-ce qu'il y a, 10 personnes. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y aura plus grand monde. Quoi. Ils vont mourir. Ouais, 10 personnes, c'est ce qu'ils ont calculé là. S'ils restent sur un taux de fécondité comme ça, c'est pas beaucoup. Hein. Non. Ah, c'est pas une équipe de foot. Bon, oui. Guillaume et votre texto 612, en tout cas, c'est les venir avec nous avec plaisir. Même pas une équipe de foot, 10 jeunes stagiaires. Pour le mondial, c'est la merde pour eux. On gardera. Voilà. Trop plaisir de vous écouter. Salut Salounette du 69, merci beaucoup. Hein. Je me sens pas bien car mon collège savent ma chaîne YouTube et on se moque de moi à cause de ma maladie, l'épilepsie. Salut. Ah merde. Bon courage. J'ai pas compris avec ta chaîne YouTube là. T'as une chaîne YouTube et tu fais des vidéos là-dessus, c'est ça? Laisse ton numéro puis je vais t'appeler si tu veux. En tout cas, on va retrouver Jean-Philippe dans un instant. Rémi qui est là de Uriage-les-Bains aussi. Est-ce que tu m'entends, Rémi d'Uriage-les-Bains? Ouais, toujours, toujours. On n'a pas fait les pervers, bordel. Non. Ouais, ouais, on a le faire encore. On va le faire encore. Ouais, on a tout le temps. Ouais. On va arrêter de mettre de la musique. Rémi de Uriage. Je voyais Julia qui lève les bras en l'air. J'adore cette chanson. Ouais, j'ai compris. Alors, elle est contente. Alors, Rémi, contente. Parle de sa vie, elle est contente. Ah non, Rémi de Uriage les Bains. Tu travailles dans quoi déjà? Rappelle-moi, mon pote. Là, je suis étudiant en STAPS. En STAPS, prof de sport, ouais. Prof de sport, pour devenir prof de sport. Ça te plaît ou moyen? Ouais, ça dégomme, ça dégomme. Ouais, ça dégomme. Trop bien. Ça dégomme, ouais, en max. Ça dégomme en max. Ça dégomme grave. Ça archouille grave. J'invente des mots. Bon, ça va, mon Mimi. Alors, vas-y, raconte, t'es une gonzesse là, t'as rencontré sur Tinder, sur Love U, sur quoi? Ouais, c'était il y a quelques années de ça déjà. C'était quand vous avez commencé la radio. Genre une semaine après ou quoi, j'ai rencontré une meuf en boîte et tout ça, on s'est branché et tout, machin, et du coup on s'est échangé nos numéros et le lendemain on a décidé de se revoir et tout. Donc le dimanche et tout ça, donc je l'attendais, je l'ai attendu peut-être 2 heures et du coup j'étais en compagnie d'une bande de fous, j'étais en bonne compagnie en attendant la demoiselle. On est parti au ciné pour aller voir Avengers, le tout premier Avengers, donc ça date un petit peu. Ouais. Et puis je suis parti voir La Soupe au Chou. C'est le film des années 70. C'est le mec qui est trop vieux. Pierre Bellemare, c'est le mec qui vient de raconter une histoire là, trop vieille. Bon anniversaire aux concernés. Ouais, 20 septembre. Petite partie de billard. Et on passe à la suite. Rémi, c'est n'importe quoi l'émission. Je mets un coup de poing dans les habitudes. Alors, démarre la voiture. Mets le moteur, mets la seconde. C'est le. Oh là là, putain, j'adore. Et plus c'est ringard, moi, plus ça me plaît. Hein. Allez, je mets un coup de kick. Démarre mon cross. J'ai laissé Gère prendre son violoncelle. Allez, c'est parti. Non, je voulais te mettre la musique, mais je l'ai perdu. Je voulais te mettre la musique. Mais tu sais, d'un vieux film de merde ou quoi. T'étais allé voir les bronzés font du ski. Ah ouais, il est bien. Ah, il est bien. Bon, alors vas-y, raconte ton histoire. On est pour parler de rendez-vous. Rémi, n'oublie pas pourquoi tu as appelé. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Donc ouais, j'arrive devant le guichet et je demande une place pour Avengers et j'ai pas payé la place pour la demoiselle et du coup bah j'ai pas eu de retour le lendemain, il n'y a pas eu de message et tout ça. Elle m'a dit en gros ouais non mais moi je préférais avoir un prince charmant et tout. Oh, machin. Non. Et, ouais, elle dit ciao. Et ouais. Puis bah voilà, ouais. C'est là-dessus. Ouais. Je dis salope, ouais. Je suis pas un prince. Ça se voit pas. Ouais. Non, c'est super. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? On a été où? La meuf, tu l'as emmené voir un film et qu'est-ce qu'il a pas plu? J'ai pas compris les popcorn. Qu'il l'invite pas? Non, c'est ça. Non, mais en gros, je l'ai pas invité. C'est une jeto, franchement. Il a pas plu. Oui, mais c'est pas pour 6 euros quand un mec te plaît, excuse-moi. Hein. Je cherche à savoir la vraie raison. C'est que tu m'as dit, j'ai entendu, mais. Il y avait autre chose. Il y a forcément autre chose. Parce c'est que, sûr. Non, le lendemain, j'ai eu un message, elle m'a dit ouais, non, je pense que ça va pas coller entre nous, cherche un prince charmant et tout ça. Ah et oui, tout, voilà. Donc, yeah. Bon, ouais. Quand j'ai pas payé ma place de cinéma, elle m'a laissé tomber. Allez voir Avengers, elle s'est cassé. J'ai même pas eu le temps de la voilà. J'ai censuré très bien. Non, attends, Julia, franchement, est-ce que quand t'es avec un mec, hein, toi qui es la seule gonzesse ici, ouais. Tu rencontres un mec et tout, premier rendez-vous, Le mec te paye pas à la place de cinéma. Est-ce que ça peut être un, vraiment un truc où tu dis c'est un goujat? Ouais, ouais, franchement. Mais non. Moi, tu dis c'est un bat. Un barlou. Le cinéma, c'est vraiment le truc cliché. Il te paye le cinéma, c'est normal. Après, un dîner, je peux comprendre, c'est un peu plus cher et tout. On fait moins cher. C'est cher des fois. Hein. Mais le ciné, ça va, il peut payer le ciné. Au pire, ouais, il paye les popcorn. Ça prend une générosité. Mais non, pas obligé. Pourquoi tu payes pas toi à la place de cinéma? C'est important d'être gentleman avec les femmes. Bah oui. Ah, mais s'il n'y a pas les moyens. Ça t'empêchera pas de la tringler seulement 2 heures plus tard. Mais d'être au moins les 2 heures avant, une ronce dans la bouche. C'est pas ça, c'est que je sortais d'une relation avec une meuf et du coup, c'était convenu comme ça quand on allait au ciné. Chacun payait sa place. Je payais le McDo derrière ou un truc comme ça derrière, tu vois. Gros romantique, nickel, McDo, ciné, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'était convenu comme ça. Et quand la meuf qui vendait les tickets, elle m'a dit une place. Là, ça fait tilt dans ma tête, je fais oh quel connard. Ouais. Et du coup, bah. Attends, on peut dire non deux. Bah ouais. Voilà. Arrête de mettre ça sur le dos. Ouais, sérieux, c'est pas. Ouais, mais t'es le genre de mec qui met ça sur le dos. Ah non, c'est moi, j'avoue, c'est moi, j'ai fait de la merde, mais bon, bah voilà. C'est toi la putain, je te dis là. Eh, quand tu dis ta putain. La putain de bâtard. Du coup, je vais danser. C'est pour rien. Et PS4, iPad Air 2 et tablette Samsung Galaxy Tab A. Rémi qui a passé un rendez-vous Tinder atroce. On se raconte un petit peu. Il y en a un qui a vomi sur son rendez-vous Tinder. Ah, l'autre, son ex était arrivé pendant le rendez-vous Tinder. Oh non. Il venait de se séparer. On en parle, hein. Guillaume et votre texto aussi. 612, les pires rendez-vous Tinder. J'appelle juste le gagnant, celui qui a envoyé le chiffre 10, le premier, grâce au logiciel. On va le retrouver, JM du standard. Ouais, Guillaume. Tu peux appuyer sur la touche entrée, s'il te plaît. Ouais, entrée. Ça devrait sonner. Rémi, c'est quoi, Rémi? Et c'est toi qui fais le. Qui fait l'animateur, d'accord? Vas-y, tu dis salut. Mais comment il s'appelle? Bah justement, je sais pas, parce que c'est un numéro tiré au hasard. C'est pas possible, les gars! Mais si, gros, comment ça va? C'est qui, papa? Yeah, c'est qui, papa? Le réveillon. Ça va ou quoi? Vous venez d'aller la forêt là. Je suis au boulot, les gars. C'est au boulot. Ah, c'est quoi ton prénom, mon pote? C'est Ali. Ali, enchantez-moi Ali. Salut. T'es d'où, Ali? Salut, mec. Ça va, les gars, ou quoi? Mais enchantez-moi Ali. Tu viens d'où, Ali? De quelle ville? Je viens de Briec. De Briec. C'est dans combien? Finistère, 29. Ah, 29. La Bretagne. Briec. Ali, il a gagné. Ah là là, ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. Hey, t'avais envoyé 10 au début, on est d'accord, hein, tu vois, ça t'a retrouvé. Ah ouais, j'ai envoyé 25, ma date de naissance d'abord et le 10, la date de naissance de mon père. Ah, voilà, putain, c'est bien. Eh bah, t'as vu que ça marche, gars, t'as vu que ça marche pour de vrai, hein, quand même. Bravo. Et ça marche, devenez, les gars, tu merci. Hein. Hey, de rien, allez, je vais faire tourner la roue des cadeaux. On va voir sur quoi tu dors. Il y a des PS4, des iPad Air 2 et des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Qu'est-ce que t'aimerais le plus? Ça tombe bien, ce qu'il y a. Peu importe, les gars, peu importe. Un cadeau, c'est un cadeau, ça fait toujours plaisir. Ah, non, mais qu'est-ce que tu vas utiliser le plus? PS4 ou un iPad? Franchement, la PS4. Ouais, voilà, on va faire tourner la roue des cadeaux. Hein. De toute façon, t'as 3 chances sur. Une chance sur 3. Hein. Ouais. JM du standard. Ouais, allez, fais-nous chauffer cette roue des cadeaux. 3, 2, 1, allez, à fond. Et le cadeau pour Ali, il a gagné une PS4. Eh ben, c'est gagné. Ah, Ali, putain, t'as du cul, toi, c'est ta journée. Hein. Bien joué. Ah non, les gars, ça me fait plaisir. Hein, là, ça m'anime ma soirée, les gars. Ah là là. Tu travailles dans quoi, toi, Ali, la nuit, là? Ah, je suis chauffeur-livreur dans le dentaire. Dans le dentaire, ok, très bien. Eh ben, ouais. Écoute, hey, mon gars, si tu veux faire une petite dédicace, et puis après je te passe Julia pour prendre ton adresse. Ouais, franchement, je vais faire juste une petite dédicace. Ça va être une grosse dédicace à EC Express, tous les chauffeurs livreurs de nuit, dans le dentaire, dans le médical, les gars, on est les meilleurs. Ok, vas-y, dédicace mon gars. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a, Jim Sander? Je sais pas, j'ai eu une petite pensée de parodie. Ah, oula. Oh là là là. Attention, le lyrics parolier. Jean-Jacques Goldman. Vas-y, vas-y, il faut juste balancer Claude François. Mets un truc. En live. Les PSK de chez Sony. Merci beaucoup. J'ai essayé. Il essaye. Voilà, merci Guillaume. Et le début. Ouais. Et si vous voulez que Claude François vienne dans l'émission, hashtag Claude François chez Guillaume. Attendez, les gars, si vous avez vraiment beaucoup d'humour, me foutez un hashtag Claude François chez Guillaume. Il y aura Bogora qui va venir du coup. Attends. Non, et franchement, c'est très marrant. Et on fait monter un top tweet, il est 23h40. On a 20 minutes. Claude François chez Guillaume, entêté tout le monde. Là, voilà. Vas-y. Allez-y, hashtag. Il a pas un Twitter, François. Claude François chez Guillaume, allez-y, les mecs. Allez-y maintenant, les gars, vraiment. Pardon, je sais dire. Il a pas un Twitter, Claude François. Ah, si, c'est possible qu'il ait un Twitter. Bah, si. Des fans, attends, un gros compte de fans. Guillaume Plaire, si vous voulez me follow, comme ça, vous allez voir le dernier tweet. Claude Forever. De quoi que je dis. Ah, mais je cherche. Pour le tailler. Il est fatigant, je sais. Ah bah, non. Allez-y pour de vrai. Hein, voilà. Claude François chez Guillaume. Voilà, Claude François avec un S chez Guillaume. Entêté, tout le monde. Voilà. J'ai marqué ça sur Twitter. Je compte sur vous. Retweeter. J'aime du standard. Ah, je stagiaire. C'est retweeter, Guillaume. Flo des cadeaux. Ouais. Julia. Ouais. C'est quoi ton Twitter, Julia, toi? Julia sur énergie. Ah, t'as combien de followers, là? J'en ai 700. Eh ben, c'est énorme. Mais c'est très bien. Attends. Merci aux 700 qui suivent. Bravo, Julia. Beaucoup. C'est un énorme effort que vous avez dû faire. Et je vous en remercie, ça a dû être dur de la suivre. Vous avez fait vraiment, merci beaucoup pour elle. Hein, voilà. Non, Guillaume Play, PLUY, et hashtag Claude François chez Guillaume, juste pour la blague. Ouais, hein, en plus, plaît. Il habitait pas loin. Ça me ferait vraiment beaucoup rire. Voilà, vraiment, je vais vous dire un truc, ça me ferait vraiment beaucoup, même 3 secondes. Mais j'ai un stagiaire, j'ai le standard, t'as dit? Il habitait pas loin en plus à la base. Merci. Ouais. C'est vrai. Mais oui, il a raison, ce coup, il a raison. Juste à côté. Bon, moi, Ali, je te repasse Julia, on prend ton adresse postale, d'accord? C'est super, les gars, je vous remercie. Bonne soirée, continuez comme ça. Salut, Ali. Le plaisir est pour nous. Allez, mon Ali. Attends, juste, ça fait combien de temps que tu connais mon émission, Ali? Franchement, les gars, c'est depuis que je travaille chez EC Express. Tu sais, ils m'ont dit, il faut écouter Énergie, ça doit faire... Bon là, ça fait un mois, je suis en contrat, ça doit faire un mois, je vous écoute non-stop, les gars. Ah, c'est gentil, merci, mec. Merci. Ah oui, donc t'as découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, et au bout d'un mois, je gagne des vins, les gars, vous êtes les meilleurs. Ça fait plaisir. Ah, oui. Je t'embrasse. T'as quel âge, toi, Ali, d'ailleurs? J'ai 21 ans, les gars. Vas-y, bon anniversaire à toi, mon Ali. Ce mec, il confond tout. Il y en a qui dit. Ça fait déjà 2 mois, mais c'est pas grave. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois? Ah. Bah ouais, c'était le 25 juillet, les gars. Oh putain, je suis né le lendemain de toi, 26 juillet, frère. C'était un lundi. Ouais, c'est bon ça. Je penserais appeler Ali la veille de. Et moi, je t'appellerai aussi. Merci, mon Ali. On s'enverra un petit texto. Tu m'enverras un texto. Je t'enverrai un texto à 23h59. Ah oui, après, tu me diras bon anniversaire à toi, mon Guy. Soucis, ce qui est marrant avec vous, c'est qu'on peut faire Noël, le Nouvel An et Pâques en 2 heures. Je vous adore, bisous à tous. Et même l'anniversaire. Ouais. C'est mon idée, ça, Mika. Eh bah, c'est ton idée, elle est très bonne, mon Mika. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette émission ensemble. Vous m'envoyez une connerie par SMS, on la fait tout de suite, voyez. Hashtag Claude François chez Guillaume, en TT. Moi, ça peut me faire rigoler 2 heures. Je vous jure, ouais. Vraiment. Si on arrive en TT, on invite M. Pokora dans l'émission. Voilà. Bah, c'est le seul qui truc. Représente. Hashtag Claude François chez Guillaume. Et ben, je m'engage à inviter dans le mois, là, Claude François. On chante avec Matt Pokora. Ils ont la même couleur de cheveux, ouais. La même couleur des yeux. Ils dansent pareil. Ils chantent les mêmes chansons. Ouais, voilà, ouais. C'est beaucoup avec Clo-Clo. Non mais vraiment, si je veux le dire, on a 17 minutes pour le mettre en top tweet avant la fin. Hashtag Claude François chez Guillaume, le meilleur pétage de club radiophonique. Merci Pierre Loïc Brosseau sur Twitter. Salut. Je vois pas du tout de quoi tu me parles au courant. De quoi tu te dis au courant. Si y a Claude François chez Guillaume, vous me tenez au courant, s'il vous plaît, Mordin. Salut. Oh. Ah. Bravo. Ouais. Chez Sony. La parodie de Jim de Standard. Ça rime. Remets le décompte à Nouvelle Année, Guillaume. J'ai dansé sur mon lit et tout. Ah ouais, c'est énorme. On va se le refaire. Et tu sais quoi, tous les soirs, quand j'offre un cadeau. À minuit. Je fais 10. C'est un enregistrement que j'avais. Et on balance. J'allume la ligne téléphonique. Et comme ça arrive, ça répond dès que la personne arrive. C'est bien, ça, c'est pas mal ça. Ouais. Tu me le notes, Jim de Standard. Je voulais dire, Guillaume. En forme ce soir. Il faut les cadeaux. On pourrait faire une soirée Nouvel An avant le Nouvel An. Ouais, c'est génial. Ah ouais. Le concept. Merci, oh. C'est drôle. C'est ce qu'ils font, les bobos. Ils font les. Ouais, on histoire à décaler, on fait pas comme tout le monde. Bah, ouais. Parce qu'on est mieux, nous, voilà. Allez, on va se faire Soprano, on se fera Cachemire, le nouveau. Je t'embrasse, moi, Ali, merci d'être passé en tout cas, poteau. Y'a pas de soucis, bon courage. Je t'en passe Julien maintenant pour ton adresse pour le Colissimo. Ok. Allez, on t'embrasse. Allez, bisous à très vite. Allez, bisous, ciao, les gars. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allez, qui était là ce soir, on parle des pires rendez-vous Tinder. Il y a beaucoup d'appels, Guillaume, et votre message 612. Et je les hôtels sur Énergie après. Merci d'être là, les mecs. Continuez de passer le mot. Faites-moi exploser le standard, faites-moi fumer la ligne téléphonique. Vraiment, appelez au standard en masse, on se fait plaisir, on se retrouve tous les soirs, c'est pour le kiff. Et allez, follow notre nouvelle de l'émission, là, Julia sur Énergie sur Twitter aussi. Hein. Elle a 793 followers. Enfin, peut... bon, c'est bien, t'as pris. 101. Ouais, j'en ai pris 93 là. C'est trop, merci. Merci aux 93 de, d'être venu. Ah ouais, merci d'avoir fait l'effort. Hein. Merci beaucoup. Ça a dû être dur aussi, ah ouais, mais merci. Vous êtes allé follow Julia sur Énergie. Voilà, Guillaume Blé, PLEY, et hashtag Claude François chez Guillaume. S'il est en top tweet, concert de maths et on s'arrangera pour filer des places sur Énergie. À partir de 22h, plus rien n'existe à part Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour à l'antenne. On est toujours en phase de faire monter le top tweet hein, pour sur Twitter. Si jamais on arrive à Claude François chez Guillaume, j'invite M. Pokora. Voilà, je te dis. c'est vraiment, c'est dit, c'est promis, c'est juré. Si jamais JM du standard, t'en es témoin. Ah ouais, on n'est pas encore en top tweet. Non, on n'est pas encore. On le sera, non. Je trouve ça d'ailleurs assez décevant. Ouais. Hashtag Claude François chez Guillaume. Et Julien Stagiaire a proposé un truc extrêmement extrêmement fort. Alors, ouais. Le roi des bonnes idées. Non, bah, je sais pas si c'est une bonne idée. Ah, non, vas-y, vas-y, alors, dis-le ce que tu m'as dit. Bah là, on a mis de Claude François en hashtag. On va le mettre. Ouais. Et j'ai proposé que chaque soir, on mette un hashtag pour inviter un mort, quoi. Merci. Une star morte. Merci, Julien Stagiaire. Oh, voilà. Ah ouais. Bah, c'est bon, ouais. Des stars décédées. Stagiaire nous a proposé hashtag Coluche chez Guillaume, voilà. Ah, voilà. Je veux dire, pendant la pub, que vous faire profiter de tout ça quand même. Ah bah oui, ah, les coulisses. Idée, ouais. Non, t'as une autre idée, Flo, des cadeaux. Je sais pas, un autre hashtag de quelqu'un qui est plus là. Ah bah hashtag Balavoine. Hashtag, voilà, hashtag Balavoine. Non, c'est marrant, les vieux chanteurs. Michael ça. Jackson. Hashtag, oui. Ah ouais, Michael Jackson chez Guillaume et tout, c'est marrant ça. Ouais. Ça, c'est rigolo. On pourrait le faire tous les Louis soirs. Louis de Funès. On pourrait faire tourner une. Louis de Funès chez Guillaume. C'est marrant. Détendez-vous le trou de cul. Détendez-vous le trou du cul. T'as l'air stressé, Flo, des cadeaux ce soir. Pas du tout. Va manger une merguez. Bon, merci. Non mais en tout cas, ce qu'on va faire, vraiment, je pense qu'on va le faire. Ça, c'est sincère. Vraiment, ce soir, je le sens bien. Hashtag Claude François chez Guillaume. Et s'il arrive, on est sixième. Il y en a... Ah, je le vois pas, moi. Je le vois pas arriver. Attends, je vais regarder. Non, il est sixième que chez toi, poteau. Ouais. Attends, ton ordinateur il bouge tout seul. Hein. Je n'ai rien fait. La page s'est décalée. Je me demande s'il n'y en a pas un qui te l'a sucé l'ordinateur. Non. Ah ouais, c'est possible. Non, non, regarde, elle a disparu. Je te jure, il y avait non, tout. Oui, ça arrive des fois. Ah. Une fois par an. Et c'est-à-dire que ça fait quoi? Ça coupe? Ouais, et c'est aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ouais. Merci, JM du standard. Non, mais là, il est en train de redémarrer, on est d'accord. Mais non. Bah, je sais pas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune. Ah, merde. Ça, c'est pas normal, ça, par contre. Ah ouais. Parce que j'ai l'ordinateur de JM du standard. Je vais le changer de façon, Guillaume. Ah bah, c'est une bonne idée qu'il a là. JM du standard vient d'avoir la meilleure idée de la journée. Ah, ça, c'est bon. Non, on va l'aider. Voilà. Demain. On va prendre toutes vos réactions. On va retrouver les pires rendez-vous Tinder. Il y a du cul, du cul, du cul. Juliette, attends, quoi pour prendre Ali? On va pas le laisser toute la soirée. Ali, t'es encore là, toi? Il y a personne qui s'occupe de toi. Ah, tu l'as pris? Et t'as pris? Julia, t'as pris ou pas? C'est la merde! Pourquoi c'est la merde? Qu'est-ce qui se passe, mon Ali? C'est la merde, on veut pas prendre mon adresse, on veut pas m'envoyer le cadeau! Attends, moi, lui, je te la passe maintenant, regarde. Je sais pas où, c'est pas. Je veux pas une carotte, je sais pas où, moi! Non, attends, non. T'inquiète pas, mon Ali, tu vas l'avoir. Ton cadeau, tu vas l'avoir, mon Ali. Je te. Hé! Y'a pas de problème. Tu sais quoi, donne ton adresse tout fort, comme ça on l'entend. Ouais! Non, je rigole, je te la repasse tout de suite, hein, Julien. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci. Allez, bisous, moi, Ali, bon courage. Salut. Merci, bisous, les gars. Il y a beaucoup d'appels aussi. Il y a Marceau, hein, 23 ans à Bagneux, dans le 9-2. Bonsoir à toi. Et Haute-Seine. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Je fais une mise à gauche, une mise à droite. Je travaille à la Fashion Week. Je suis designer de bottes en cuir en transparente. Marjorie qui est là de Bagneux. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Tu travailles dans quoi, toi? Ça va. Je suis agent de sécurité. Ah, très bien. Eh ben, salut à tous les agents de sécu. Bon courage à tous les mecs qui bossent dans la sécu. Ouais. Tu es maître chien cynophile? T'es maître sans chien? Non. Maîtresse sans chien ou maître chien? Maîtresse chienne. Merci, je vais stagiaire. Ça peut être le mot, non? Je sais pas. Par contre, Marjorie, tu peux enlever l'écouteur ou le truc qui tape sur ton micro? Parce que ça fait du bruit à l'antenne. Ouais. Je n'ai pas. T'as une boucle d'oreille alors ou un. Non plus. T'as une gourmette ou une bague? T'as une gourmette ou une bague? T'as la misère du chien. Il y a forcément un truc qui tape de toi sur ton téléphone. Une créole. Non, ouais, t'as pas de. Je sais ce que tu dois avoir. Tu une dois housse. Avoir. Hein? Une housse. Non, t'as pas un truc qui frotte sur le micro? Réfléchis bien. Hein. Prends deux secondes. Non, non. Regarde-toi. Utilise la tête et tu vas penser à autre truc. Parce qu'à chaque fois qu'on fouille, il y a toujours un truc. Il ouais. Y a un truc à l'antenne, c'est qu'il y a quelque chose. T'as de la barbe, Marjorie? Je sais pas, on parle de ton histoire, ton malheureux rendez-vous. Hein. T'es tombé sur un mec sur Tinder énorme et tu vas nous raconter l'histoire. Faux stars énergie préférées sont toujours sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite redémarre. Il sera à Marseille le 29 septembre avec les magasins d'Arty. Sur scène, Tal. C'est les frérots de la Vega. Alonso. Stéry de Sam. Amir. Sao. Willy William. C'est Boosty. Carlos Dream. Evangeline. Et Black Air. Le Energy Music Tour le 29 septembre. Pour la foire internationale de Marseille. Au Parc Salo. Un événement Energy. Hit music only. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Énergie Hit Music Only avec Shawn Mendes en concert. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 24 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris. Prévente exclusive mercredi 14 septembre sur gdp.fr. Infos et réservations énergie.fr, gdp.fr et points de vente habituels. Shawn Mendes en concert. Un événement Énergie. Étudiant, apprenti, l'année de vos rêves est déjà dans votre box. tout inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. Il n'y a que deux choses à retenir. 22 heures. Du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Hein. Et je compte sur vous, les gars. Je ne partirai pas de cette émission. Il est 20h54. Ah ouais. Sans le top tweet, hashtag Claude François chez Guillaume. Je compte sur vous. Je peux vous dire, vous savez quoi? Vous mettez des tweets, je vous retweet maintenant. Là. Hashtag Claude François chez Guillaume. Allez-y. Je vous retweet direct. Hein. Pourquoi certains voient le top tweet et moi, il n'y a rien? Ouais, bah, c'est pareil. Bon, je ne vois rien. Alors attends, voilà, je vous retweet tous, hein, les gars. Alors, allez-y. Hashtag Claude François chez Guillaume sur Twitter. Si on le. J'appelle Claude François. J'appelle. Non, le sosie ou Mpokora. Putain, je suis fatigué. J'appelle Mpokora demain et on l'invite demain. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Claude François chez Guillaume. Allez-y. RIP, il est de retour. Votre émission est énorme. Merci beaucoup. Vive l'écriture. Claude François, Claude François. Voilà, vous êtes hyper nombreux. Merci les mecs. On fait péter un petit top tweet. Hein. Mettez tous un petit tweet. Et je vais les retweet direct. Hein, voilà. Claude François chez Guillaume. Énorme l'émission. Je comprends, tout le monde n'a pas le même classement. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes classements. C'est chelou. Ouais, hein. C'est bizarre ça. Moi, je l'ai. Il y est. Ah bah ouais, c'est vrai. Vous voyez tous les trucs moi, là. Bon, bah on continue. Continue de le mettre et ça va monter. Quoi. Alors, Marjorie qui était là. Tu m'entends toujours, Marjo, là? Oui. Toi, tu avais 23 ans de bagnole, tu étais dans la sécurité, tu disais juste avant. C'est ça, oui. Et donc, tu avais un rendez-vous Tinder qui s'était très mal passé. Oui, en fait, je l'ai rejointe sur Paris et en fait, ses photos étaient tellement retouchées que j'ai reconnu que ses cheveux, en fait, au départ, pour le reconnaître. Ouais. Donc après, on commence à avancer et il m'arrête, il me dit non, tu marches sur ma droite, je n'aime pas qu'on marche sur ma gauche, tout ça. Donc du coup, il fallait toujours que je fasse attention à être sur sa droite. Il avait des tocs? C'était mon. Je sais pas, il était un peu bizarre. En fait, au premier rendez-vous, c'est chaud. Ouais, il faut pas. Même si t'as des tocs, tu le dis pas quoi. Il peut se retenir le mec. Tout le monde en a un, mais après, de là à dire. Et donc après, il n'y a plus, donc on s'est abrité et en repartant, il voit que son lacet est défait, il me dit tu me refais mon lacet. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est qu'un magasin. C'est François Lambrouille. Je crois pas, je te crois pas là, c'est trop. Tu voulais juste passer à la radio là. Ouais, c'est vrai. C'est sérieux. Bah oui, bien sûr. Mais il était peut-être un petit peu autiste ou quoi, tu sais, parfois il y en a qui ça ne se voit pas trop. Non, mais c'est pas une vanne, c'est pas méchant du tout. Non, mais non, il était. Enfin voilà, mais c'est juste, il me dit ça, je lui dis s'il était sérieux, il m'a dit oui, donc j'ai dit ah d'accord. Les lacets, c'est chaud quand même. C'était un test peut-être. Ouais, et puis plus de nouvelles. J'étais Tant mieux. Flo des cadeaux. Ouais. Merci. Voilà. Attends, et du coup, le mec, tu l'as jamais rappelé du coup? Bah non, puis moi j'avais pas envie non plus de le rappeler du coup. Ah ouais, normal, ouais. Le mec il était beau physiquement ou il est même pas du tout, vraiment? Sur les photos, oui en fait, mais. Non, mais t'as dit qu'il ressemblait pas aux photos, mais il peut être beau sans ressembler à la photo forcément, tu vois. Alors du charme aussi. Ouais, oui, du chien. Bah, pas vraiment en fait. Ouais, non, il avait rien du tout en quoi. Plus. Non, enfin, non. Ouais. Ouais. Voilà. Il était pas GG quoi. Bah les lacets et tout. Il y en a qui disent c'était Julien Stagiaire. Non, moi je sais faire des lacets. Hein. Non, ça t'est jamais arrivé de te retrouver Flo des cadeaux, toi, un rendez-vous Tinder, tu disais avant. Non, rendez-vous Tinder, Badou, Lovou, j'ai jamais fait. Ouais, et rendez-vous. Moi j'aime pas ça. Je paye des agences matrimoniales. Ouais, comme les gros Tinder, j'ai eu aucun match. C'est vrai? Non, mais en même temps, faut voir aussi la gueule des photos. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'étais pas très motivé. Comment la gueule des t-shirts qu'il a sur les photos? Voilà. Il n'y avait toujours pas, vous me sortez votre putain de Twitter, vous me mettez tous 10 tweets, on s'en bat les couilles. Hashtag Claude François chez Guillaume, il nous reste 2 minutes hein, pour y aller. Ouais. T'as pas fait de rendez-vous de rencard qui s'est mal passé? Jamais? Enfin, si, de rencard qui s'est mal passé, mais pas par Tinder ou Badou. Alors, comment il s'est passé ce rencard qui s'est mal passé? Je t'avais dit, je demandais à une copine par SMS. Ah, ouais, c'est vrai. Stevie, bonsoir Stevie du 57. Salut Stevie. Bonsoir tout le monde. Ça va mon Stevie, tranquille, 33 ans du 57. Hein. Salut Stevie. C'est ça, voilà. C'est pas ton vrai prénom, hein. Je précise, c'est pour un prénom d'emprunt que t'apprends en 2 secondes à l'antenne. Voilà. C'est ça. J'adore le love. C'est le premier qui venait. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Stevie? Bah, en fait, c'est l'histoire de Tinder, donc voilà, je t'ai prêté pour raconter une de mes anecdotes. Voilà. Alors vas-y, raconte. Alors moi je suis agent immobilier et en fait j'avais réussi à choper une fille sur Tinder qui manifestement voulait pas forcément de sérieux et donc ça s'est transformé en plan cul et ne pouvant pas recevoir elle non plus parce qu'elle était pas elle était pas du coin. Ouais. Moi j'ai dans ma voiture j'ai quand même beaucoup de clés d'appartement. Et je lui ai dit j'ai des clés d'appartement si tu veux on peut aller voir un appartement que j'ai à vendre. Et donc on y est allé donc en prenant soin de faire très attention parce que les voisins sont quand même assez curieux, c'est un peu des policiers en puissance, donc il fallait faire semblant de visiter l'appartement, donc elle s'est transformée en cliente. Ah, t'as fait croire que c'était pour aller visiter l'appartement et tu la kennes dans la bonne ça. Ah ouais. C'est ça, voilà. Bien joué. Donc, Mais t'étais en couple? On est arrivé à... Pardon? T'étais en couple? Moi, oui. Ah ouais, c'est pour ça que tu pouvais pas niquer chez toi, en gros. Parce que j'allais dire pourquoi tu niques pas chez toi, c'est quand même. On est jamais mieux que dans son propre pieu. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ça y est, on a top tweet. Ah, bon. Ah, 6ème France. Ah. Putain, on l'a mis au-dessus de Brad. Ah, et Brad Pitt. Ah, Brad Pitt. Voilà. Et Jennifer Aniston. Ça me fait extrêmement plaisir. Ouais. On en plus, il divorce, le pauvre. On est au-dessus. Alors, oui, divorce, exactement. Voilà. Exactement. On est avec lui. Alors, raconte-nous l'histoire. Alors, Stevie, donc tu la tiennes, ça s'est passé comment le moment où il y a eu pénétration? Alors, en fait, le problème, c'est quand c'est un appartement, quand il n'est pas très meublé, ça fait caisse de résonance. Hein. Ouais. Donc, et elle avait la particularité de crier un petit peu. Ouais, donc, c'est bien ça. Ouais, mais bon, quand tu vas être discret, c'est pas forcément bien. Ouais. Donc j'étais obligé de lui coincer les oreillers la tête sous les oreillers. Ouais. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est qu'à un moment donné, bon, l'affaire se fait. Et un appartement, il y a beaucoup d'appartements où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc pour se rincer après, c'est un peu compliqué. Donc on s'est un peu rincé sur les rideaux. Oh. Non, pour de vrai. Et les enfants qui jouent avec. Oh là là. Sérieux? Avec les moyennes du bord. Oui, oui. Ah ouais. Ah, tu allais un peu en mode bourrin. Moi, je me vois encore prendre un livre dans la bibliothèque. Ah non. Les pages du milieu. C'est vrai? Non. Oui. Je t'ai suivi avec ça. Ah, ouais. Et alors? Et ben alors après elle est partie et puis ça a été une anecdote et puis on s'est échangé le numéro de téléphone et à chaque fois qu'elle passe dans le secteur elle m'envoie un message. Mais bon, cette fois-ci on change, hein, on prend nos tels. Ouais, ah d'accord, c'est mieux. Ouais, c'est marrant ça de voir les petites histoires. Vous êtes déjà niqué dans un endroit qui vous arrangeait pas trop, mais vous êtes trop en dépannage, j'aime du standard. Ouais, dans la forêt, hein. Ah, et par terre en plus. Hein. Ah, ouais. C'est vrai, ouais. Sur une couverture. Ah, putain, sur les glands, quoi. Ah, ouais, j'avais une couverture dans le coffre et j'ai mis ça et c'est parti, quoi. Ah ouais, et c'était bien ou non? T'avais dit que c'était piqué le cul, non? Pourri en plus. Ah, c'est vrai? Nul. Ah ouais, franchement. Ouais. La fille était nulle ou c'était le moment? Un peu les deux, la fille était pas ouf et le moment n'était pas ouf non plus. On avait peur des passants, en fait, tu vois. Il y a des gens qui traînaient dans la forêt, donc c'est moyen, quoi. J'aime du standard, t'as déjà niqué dehors. Et je vais essayer, est-ce que t'as déjà niqué pareil un peu dans un lieu de dépannage, genre dans ton truc? Bah, j'ai fait un préliminaire dans un SMS qui est arrivé. Non, SMS qui est arrivé. Ouais, bah, il est chelou le SMS. Tu peux regarder, il est là. On est quatrième. Ah, bravo, François. Merci. Bravo à Clo-Clo. Merci, Clo-Clo. Allez, Clo-Clo. Allez, Magnéa. Une petite compile de Dr. François qui guide la régie. Vas-y, carrément. Ça va être notre nouveau. Notre nouvelle lubie. et donc, alors, t'écrivais, Steve, parce que donc, t'as Ken dans un appartement. Julia, t'as déjà fait dans un appartement ou dans un truc de substitution, genre un lieu. Ouais, dans un truc de substitution. En fait, il y avait les parents de ma meuf, on l'a fait dans une autolib. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est crados. Eh ben, ouais, Autolib, c'est des voitures qu'on peut louer par tranche de 20 minutes avec des petites cartes, un peu comme un vélo, quoi. Ouais. On l'a bien fait. C'est-à-dire, mais vous avez fait quoi? T'as fait un cuni, quoi. Ouais, mais c'est un... bah non, on a fait le caresse, tour. Quoi. Caresse, mais tout le monde te voit en plus. J'ai déjà retrouvé une string, moi, dans ces Autolib. Ah ouais? Ça allait tout. Tu l'as gardé? C'était peut-être celui de Julien. Merci. Des cadeaux pour terminer. Moi, dans le. On restera sur celle-là. C'est beau, ça. Dans le lit du frère de mon meilleur pote. Dans le lit du frère de ton meilleur pote. C'est pas grave. Dans le lit de son petit frère. C'est nul à chier. Merci. Guigui, la régie, une réaction sur un endroit où t'as niqué. Bah, du coup, j'ai pas fait. Pas encore, voilà. On a gardé les meilleurs pour la fin. Bonne nuit, les mecs. Dormez bien. On a bien rigolé ce soir. Ouais, hein. Demain, on fait la même. Voilà, demain, le même lieu, même heure, même endroit. Même jour, même heure, dans 10 ans. J'avais bu, j'avais perdu. De oui, lu. De lu. Non mais merci à vous hein. J'aime le standard. Bonne nuit Guillaume. Bonne nuit à toi. Bonne nuit Julien Stagiaire. Bonne nuit Guillaume, à demain. T'as des beaux rêves. Moi il s'appelle. J'ai oublié son nom ensuite. L'autre truc. Non ouais. Bon, à demain Julien Stagiaire. À demain. Bonne nuit Guillaume la régie. Bonne nuit Julia. Bonne nuit tout le monde. Darmien, un gros bisou. À demain Flo des cadeaux. Bonne nuit Guillaume. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit les loustiques. Alors, regarde. Allez, gros bisous, les mecs. Bonne nuit. Demain, Jules, Gim, sans le cas. J'ai peur de la proie. Je suis le chasseur de la proie. Ouais, ouais. Ça va être toi. Seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout bien. C'est hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Attends, tu me l'avais mis, nouveau, Jules. Je fais dans mon ghetto. Je connais pas tous ces gars-là. Ça, c'est nouveau, ça. Je fais dans mon ghetto. Je connais pas tous ces gars-là. Elle veut la photo, mademoiselle. Prends pas ma voiture, décale-toi là. Wesh, fils de. Pourquoi tu me jettes l'œil? Je t'aimais bien. Wesh, fils de. Je vais dans mon guet. Allez, bonne nuit, les mecs. Gros bisous, les gars. On se retrouve demain. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là, Marjorie. Gros bisous à toi, de Bagneux. Merci, bonne nuit. Eh, c'était bien avec toi. On a bien rigolé. Ouais. Et demain, j'espère qu'on remettra ça. On se remettra à la race. Claude, François, chez Guillaume, je suis fier de vous, les mecs. Un quatrième en tête foncé bien. En 10 minutes, là, trop fort. Gros bisous à vous et à demain, 22h minuit sur Énergie. Bonne nuit, Mickaël. Je te passe le. Comment ça va? Je te passe le bâton olympique. Ouais, ben voilà, je te bon passe, bâton. Le bâton paralympique. C'est les Jeux paralympiques ou quoi la nuit? Ah, paralympique, hein, c'est quoi? C'est à cause du gym? Ça continue. Oh, ça va. Non, mais ça va. Ça continue en ce moment. Ah, qu'est-ce qu'on nous entend plus? Non, c'est fini les Jeux Olympiques. Ah, c'est les fini aujourd'hui. Ah, c'est bah fini oui. Aujourd'hui. Ah merde, je croyais que c'était fini. Ouais, la flamme s'est éteinte. Ouais. Et bah, les Jeux Olympiques qui reviennent dans 4 ans. Et bah voilà, les mecs. Gros voilà. Bisous et bon courage. Et bah, pas de soucis. On va se marrer aussi. Normalement, ça va bien se passer aussi. Qui fait bien. Un petit truc qui arrive chez vous, un petit truc nouveau là. Il se passe un truc là, je sais pas, du cul. Bon, on va passer Jules. Hein, Jules, ah. Non, j'en sais rien. Non. Musique, je sais pas trop ce qui va arriver. Ah, donc on verra. Non, bah écoute. C'est à la route, quoi. Exactement. Et bah, qui fait bien, fait. Les mecs. Et à demain, allez, à 22h. Ciao, les gars. Ça roule. Ciao. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Allez, c'est parti, bonsoir tout le monde. Minuit 7, bonsoir. Ça y est, on est là jusqu'à 4h du mat, comme tous les soirs. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Toff a passé une bonne journée, mais il est déjà sous la table, je sais pas ce qu'il fout là. Et va parle devant le mais micro. Mais parle devant le micro, t'es deux cons. Ils sont tous en dessous de la table. Une seconde, je suis avec Amina sous la table. Mais qu'est-ce que tu fous sous la table, Amina? Attends, le mec m'agresse pour que je branche son ordi de merde et après il me dit que je suis sous la table avec lui. Attends, c'est une balance, c'est une blague ou pas? Qui c'est qui va charger son truc, qui va me niquer la batterie? Non. Oh là là, ça y est, putain. Alors là, c'est le comble. Non, mais c'est le comble, c'est ton espèce de drap là. C'est pas son drap, c'est un poncho, monsieur. Ouais, enfin bon. Dédicace au Pérou. Ramenez-vous avec un truc péruvien, quoi, sans déconner. T'as pas autre chose comme fringue. C'est vrai qu'elle a un peu un type, elle a un type péruvien, un peu Amina. Ouais. Aztec, Maya, tu sais, avec exactement. Un peu. C'est dommage, on a déjà mis les photos de la honte d'Amina, on a mis ça dimanche soir. On pourra pas les remettre parce qu'on en avait une belle ce soir, niveau vestimentaire. Hier, c'était Seba du Standard, hein, où on a mis les photos de la honte. C'est marrant, parce que autant avec Amina, on a fait plus de 1000 likes, autant avec Seba du Standard, on en a fait 4, je crois, un truc comme ça. On se demande pourquoi. Oh, merde. Non, c'est parce que si j'avais pas été exclu de Facebook, j'aurais été, mais je peux pas. Oh, bah oui, ça aurait été bien. Du coup, ce soir, je sais pas qui mettre. Il reste Toff, Polo et moi. Non, pardon, excusez-moi. Il reste moi, Polo et Toff. Voilà. Si je prends la théorie de Polo, oui. On met toujours Toff en dernier vous parce que c'est la merde. C'est le meilleur pour la fin. Voilà, c'est pour ça. Quitte à balayer les règles de français, bien entendu. Toujours. Bah, évidemment. Donc, je sais pas encore. Amina, tu mettrais qui ce soir? Les photos de la honte de qui? Bah, je mettrais Polo. Ouais. parce que je voudrais qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire toi. Oh, quel suceur. C'est incroyable. Bon, bah on mettra peut-être Polo. Alors, bon, Polo ou Toff, je vais réfléchir. Là, je me laisse encore 10 petites minutes devant moi pour voir. Dites-nous, vous voulez voir les photos de la honte de qui? Polo ou Toff, vous envoyez Mickaël espace Polo ou Mickaël espace Toff au 612 ou alors hashtag Twitter. Hashtag Mickaël sur Twitter pour me dire lequel des deux. Alors, moi, j'en tire confiance en Mickaël qui est mon meilleur ami. Non, c'est vrai que je ne sais même pas quelle est la photo. Il a choisi pour moi. Non, mais le truc, c'est qu'on est déjà parti tellement de fois en vacances ensemble que j'ai un stock de photos de la honte, mais j'en ai. Évite de mettre ceux de la baleine là. La baleine. Je suis rouge. Non, mais je suis rouge. Ah, je pensais que t'avais fait un selfie avec une baleine. J'ai dit, excuse-nous. Non. Le problème n'est pas qu'il est rouge. C'est le problème, c'est qu'à l'époque, il était très gros. Et du coup, c'est très gras également. Trop de bouffe. Ouais. Non, mais j'en ai. J'en ai une époque, j'en ai une où il avait des cheveux aussi à l'époque. Ah oui. Enfin, plus qu'aujourd'hui, quoi. Oui. Donc, je vais réfléchir. Voilà, bon. Dites-moi simplement laquelle vous voulez ce soir. La photo de la honte, c'est simplement des photos dont on a honte, justement, et que bon, on se passera bien que ce soit sur internet, quoi. Donc, nous, on va les mettre volontairement depuis dimanche. Dimanche, on avait fait Amina. Hier, on avait fait Seba au standard qui a passé une bonne journée. Ouais, super. Mais il a rien foutu, comme d'habitude. Hein, t'as écrasé un mec hier soir en rentrant. Pas ta vie, on s'en branle. Ah, excusez-moi. Il m'appelle, le mec m'appelle. Il m'appelle. T'es déjà en train de dormir? Il m'appelle, on venait de quitter la radio. J'ai failli écraser quelqu'un. Je me dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y avait un mec qui était couché, je l'ai visé. Voilà. Mec. Et quoi, c'est tout? Il n'y a pas de chute? Pareil, j'étais au volant de la Porsche comme ça, je roulais à 50. Toujours respect des limitations de bien vitesse. Bien sûr, évidemment. Et j'étais au téléphone et puis il me raconte ça. Je dis, mais va dormir, mec, c'est pas ta journée. Il a fait exploser le standard hier. C'est ça, hier le standard a explosé. Enfin bref, toute une histoire. Tiens, un message qui est arrivé qui dit Stuff sale bâtard, garage habite. Voilà, et ce sera le premier message de soir. Merci, trop d'amour. Voilà, coup de pelle à ce chien de la case de Toff de merde, c'est Greg du 13. écoute, avec plaisir. Voilà, je vais vous le remettre deux fois. Et Caro qui dit aussi bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. On va encore passer une bonne nuit à rire ensemble. On est bon, on l'espère. Ce soir, on va se faire le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente, car c'est mardi. Mardi, c'est le Menteleur, elles adorent qu'on leur mente. On a une Xbox One également à vous offrir. Si vous voulez jouer avec nous, vous appelez maintenant au 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, eh ben vous faites notre numéro, mais globalement, c'est la même chose. 02 703 0071. Il y a Sheila qui est avec nous maintenant. Salut Sheila. Salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah oui, ça va bien. T'appelles de Choisy-le-Roi, Sheila. Et t'as passé une bonne journée? Ouais. Ouais, t'as fait quoi? Bah, rien de spécial, mais j'ai gagné des places pour Astérix. Ah, sympa. Bah, écoute, tranquille, Sheila, j'ai envie de te dire. La vie est dure. Tu vas pouvoir aller avec qui, du coup, alors, Sheila? Bah, pour le moment, j'en sais rien, mais je sais que je vais passer la journée avec votre équipe Énergie, quoi. Eh bah, écoute, tant mieux. Enfin, notre, nous, on n'est pas invités, hein, c'est avec Koé. Ah, parce que je suis pas au courant, quoi. Ouais, d'accord. Non, on n'est pas invités. Non, mais t'as raison, Sheila. Non, mais c'est bien, hein, c'est vrai. Bon, tu vas voir, attention, Sheila, tu vas peut-être tomber amoureuse de Koé, là. Maintenant, il est devenu. Il est fit. Il est devenu fit, balèze, beau gosse. Ouais. Ça lui va super bien. C'est pas Justin Bieber, ça c'est sûr. Presque. Mais bon, franchement, Toff, on est presque tombé amoureux. Hein. Mais j'ai toujours kiffé Koé. Ah ouais, quel suceur alors celui-là. Non, bon, c'est son crâne surtout. Sheila, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Bah, de mon histoire en fait. Oui, ça doute bien, tu vas pas nous parler d'une histoire de quelqu'un d'autre. Hein. Non, mais c'est quoi en deux mots l'histoire? C'est quoi le problème? Parce que j'imagine que tu nous appelles pour avoir un problème, pas pour nous raconter une bonne nouvelle. Ma soeur, elle est sortie avec mon béga, on va dire. Mais quel sale. Avec son mec, avec le mec qu'elle kiffait. Mais c'est pas sérieux, Sheila. Elle a quel âge ta soeur? 22. Ah ouais, et le mec, il a quel âge? 19. Ah bah oui, non. Bon, Sheila, reste avec nous. Dites-nous, tiens, si vous avez déjà fait gauler le mec que vous aviez dans le collimateur ou la meuf que vous aviez dans le collimateur par un copain, une copine ou frère et soeur. Ou si vous avez déjà piqué Amina. Non, c'est mal. Vu ta gueule, tu l'as déjà fait. Non, moi j'ai pas de sœur, donc c'est réglé. Ouais, non, mais ça peut être une amie, genre la meilleure amie. Oh, regarde, je suis trop en kiff sur ce mec. Ah ouais, putain, il est bien. Hop là. Non, moi il y a des règles dans la vie et ça en fait partie. Mais par contre, j'ai des copines qui ont moins de respect, on va dire. Ah, donc elles ont déjà pécho ton mec. Oui, oui. Oh, les garces alors. Mes crushs. Oh là là, bon, bah 01 40 71 5000, vous nous appelez, on passe en direct. Enfin, vous passez en direct à l'antenne également. Et puis Jeanne-François qui dit la photo de la honte de Polo n'existe pas, il prend toujours tout avec philosophie. La honte, il ne connaît pas. Ouais, merci, bah, Jeanne, je t'aime. Ah, donc je peux mettre la photo dont on parle. Non. Non, surtout pas, ça va pas ou quoi. Il y a Laurie qui dit photo de polo, tof, ayant déjà une gueule de merde, les photos ne surprendraient pas vraiment. Merci Laurie. Comment ça, le pauvre? C'est un tas de merde. Mais oui. Merci Amina. Mais regarde-le. C'est du chien, oh, c'est de la merde. Il passe son temps à se foutre de la gueule des meufs et t'arrives encore à dire le pauvre. Mais oui, mais il fait de la peine avec ses. Merci. Mais il a un regard de chien battu, c'est tout. Oh là là. Bon, on écoutera le son de Shakira à suivre. Il y aura Jonas Blue également. Je vous mettrai le son de LP. Et vous toutes et vous tous en direct, si vous voulez passer dans l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. 01 40 71 5000. Et on va démarrer la soirée maintenant, enfin la nuit même, avec le son de Felix Jane qu'on écoute tout de suite. C'est Mickaël sur NRJ. On est là chez 4h du mat comme tous les soirs. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Oh. I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, throw on me. I am the bonfire. You make me stronger. Et tout le monde, bonne nuit, minuit 17, on est sur NRJ. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter, t'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi, tu voudrais que ça se termine, mais t'es là, toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur NRJ. Bah oui, on est à 01 40 71 5000. Tiens, je sais pas si vous avez vu, là, j'ai vu un truc qui m'a fait plaisir, ah. Les ados européens fument et boivent moins que les ados d'il y a 20 ans. C'est bien. Non mais oh, c'est bien. Bah bravo. Putain, non, ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. Hein. Non, c'est juste que l'alcool et la cigarette coûtent plus cher. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Bon, enfin c'est bien, ça part. Au moins c'est bien. Tu vois, oui. C'est quelque chose de positif. Je voulais savoir, comme on est une équipe classe, hein, pas de club, pas d'alcool. C'est vrai, non, c'est vrai. Ouais. On est 100% LC, 100% propre. Voilà, c'est ça. Voilà, 100% propre. Et non, pas c'est pas, non plus, c'est pas vrai. Il faut dire les choses. Il y en a un de nous qui consomme des produits toxiques, mais on va pas donner. Non, mais si. Alors c'est Seba, mais alors c'est lui. C'est simplement parce que c'est une espèce de fausse prod pour avoir des faux muscles. C'est juste ça en fait. C'est ça. Hein, il prend un truc pour les chevaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Arrête un peu. T'as dit la fois passée, il y avait un pot chez toi, t'as dit ouais non, j'ai changé le mot. Le mot, parce que quand ma mère passe, du coup, qu'elle le sache pas, il t'a arraché l'étiquette. Comment ma mère écoute des podcasts, mec. Et alors? Et ben, faut qu'elle sache. Elle écoutait la peur dans la cuisine quand je suis arrivé, tu écoutes, madame. Isabelle, ça s'appelle Isabelle, on s'en fout, on peut dire. Isabelle, il se fout de ta gueule. Je passe régulièrement chez votre fils et en fait, il y a des pots de produits chimiques. Et faites des analyses. Renseignez-vous. Il a arraché les étiquettes pour pas qu'on sache sur des produits pharmaceutiques toxiques. Exactement. Venu d'Allemagne. Voilà. Et encore, et de Chine pour certains. Bien sûr. Des produits de contrefaçon. Thaïlande. Tout à fait. Voilà. C'est pareil. Ouais, bon, enfin, c'est pareil. Chine asiatique, on va dire. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est que Maryse fasse une descente dans l'appartement de Seba. En plus, c'est à côté de chez elle. Hein. En plus, c'est à côté. Profitons, c'est plus pour longtemps, mais ouais, profitons. Donc, c'est ça vrai. Peut être pas mal. Maryse étant la mère de Toff, bien entendu. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais maintenant. Ah oui, donc voilà. Donc, si vous avez déjà vécu les trucs, genre, vous avez fumé quelque chose ou bu quelque chose, et ça c'est mal ou bien, fini éventuellement, surtout mal en général, hein, quand vous étiez ado par exemple, appelez-nous, tiens, pour qu'on puisse en parler. 01 40 71 5000. C'est déjà arrivé ou pas, Amina? Oui, malheureusement. Ah.